Hop là. Nous voici donc de retour. Alors je vais vous demander du coup de jeter vos jets de chance. Nous allons commencer par cela. Faites-vous plaisir. Et faites-moi rêver. Yes. Yes. Enfin. Là tu vas pas avoir la chance. Attention Catherine, lance la machine 96, c'est une chance exceptionnelle. Allez, 4. 8, oh là là, attention, je vous annonce ce soir, c'est pour Catherine. Catherine, la monstre. French monster. Attention, Nelson, c'est à toi de lancer ton jet de chance. Il est pas revenu, je sais pas, j'ai passé à votre canon. Je ne sais pas s'il est revenu. Il est revenu. Lirola. Oui. D'accord. Le jet de chance. Vite. Vite. Eh bien non. Tu ne pourras pas augmenter ta chance cette fois-ci. Franchement, on a la chance d'avoir la chance. T'as vu ça un peu? Donc, vous êtes pour l'instant au commissariat. 2000 ans. Commissariat général, central, comme vous voulez. Vous voyez que le policier, donc, en Italie, je crois que ça s'appelle un carabinieri, eh bien, vous incite à sortir par la porte arrière pour ne pas être incommodé par cette petite bagarre de rue. Sans importance, voilà, où des gens se font là, fracasser. Ouais, c'est pas grave. Un peu plus qu'une bagarre. Il allait nous faire sortir par une petite sortie. Ouais. Pas ça. Voilà, voilà, vous pouvez partir par derrière, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, vous avez la main. On retourne à l'hôtel. Oui. On est loin de l'hôtel, on est plus proche de l'endroit où s'est fait poignarder le type. Là, honnêtement, entre l'hôtel et le commissariat central, ça va quoi. Enfin, genre, tu peux aller à l'hôtel, je crois le plus vite que l'usine. Ouais, parce que Zin Alfa Romeo, il doit être à l'extérieur de la ville. Ouais, non, c'est pas côté quoi. Oui. Bah écoutez, bah allons à l'hôtel et allons manger un plat typique italien à l'hôtel. Eh bien, soit. Vous vous rendez compte, du coup, ça vous prend à pince, vous mettez quoi, une vingtaine de minutes pour vous rendre là-bas. Et quand vous vous dirigez du coup vers votre appartement, vous voyez que à la réception, en bas, quelqu'un s'approche de vous. Notamment de toi, Emilio, parce que tu es la personne qui parle italien. En sachant que, voilà, n'hésitez pas, parlez, on s'en fout que vous ne parlez pas italien. On part du principe que tout ce que vous allez dire sera, voilà. Bonsoir. Il y a une personne qui vous attend là-haut. Il se nomme Orlando et il est là pour un certain Emilio. Merci. J'ai quoi, que c'est vous, si? Oui, okay. C'est moi. Ok, ça va. Un ami à vous, Emilio? Oui, un ami, une connaissance, un collègue. Donc vous montez et vous ouvrez donc la porte de cet appartement qui est immense, hein, évidemment. Et vous entendez... Ah! Enfin! Emilio! Ça fait longtemps que j'étais atteint, là. Qu'est-ce que t'es fou? Moi j'ai. Je voulais juste laisser un peu de temps ici pour que tu t'apprécies un peu. Non, mais c'est vrai, je suis vraiment content. Ça me fait plaisir. La vie est belle pour toi, tout va bien. Ah, ça. Ouais, on va dire que les affaires fonctionnent, ça fonctionne. C'est la bella vita, si. On travaille, on a de l'argent, c'est comme ça. C'est... Mm-hmm. Alors, tu me présentes pas à tes amis? Ouais, bien sûr que si. La jeune femme ici est Catherine Marston. Ma che una bella, bella. Franchement, c'est ta femme, ta copine. Non, une amie simplement. Une amie. Ah, je suis content de le savoir. Tu vois qui s'approche de toi, Catherine. Il a le charme italien qui est présent, tu vois. Je me nomme Orlando. Je suis là pour vous faire plaisir. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous apporte tout. Et donc, le grand gaillard, là, c'est Nelson Bessborough. Ah, merde, Nelson Bessborough. Et l'autre gars, là, c'est Peter. Enchanté. Vous aussi, vous êtes autant riche que mon ami Emilio, si ? Plus ou moins. Si, si. Ah, c'est bien. Je crois que je vais me perdre avec vous. Bon, alors. Certainement. Je suis là pour t'aider dans tes recherches. Qu'est-ce que tu... Parce que je n'ai pas très bien compris ce que m'a dit... je ne sais même plus son nom, alors j'ai oublié. Mais, alors... Écoute, on chercherait des informations sur la disparition de la diva. Hein. C'est un peu lié d'amitié avec elle il y a quelque temps. On l'a vu aux abords en France et tout ça. Et on se questionne sur ce qui lui est arrivé. Donc, si tu as des informations par rapport à ça. Si, j'ai entendu. La terrible nouvelle de la disparition de la diva. Si, même moi, avec les amis que j'ai parlé, il y a des problèmes pour... Tu comprends, je ne sais pas qui l'a fait. Ce qui encore, c'était un kidnapping, tu vois, pour faire de l'argent. Mais même pas. Même pas. J'ai demandé à tous les copains, toute la bandita et la mafia de Milan, mais rien. Les familles et aussi, ils sont très inquiets parce qu'ils adorent la diva. Bah, oui, c'est pour ça. Alors, mais j'ai mis des gens sur le coup qui vont essayer de trouver des choses, mais tu sais, avec les autres, là, les fascistes, les chemises noires, c'est très compliqué parce qu'ils nous surveillent. Compliqué pour les affaires, oui. Si, c'est compliqué, ils nous surveillent. Tu comprends? Même nous, ils nous demandent de l'argent. À nous! Oui, normalement c'est l'inverse. C'est possible, mais bien sûr. Nous d'habitude, on offre la sécurité, la protection. Maintenant c'est les chemises qui nous demandent pour que nous, ils nous fassent la protection. C'est pour ça que le patron lui dit qu'il va peut-être plus s'approprier le marché étranger et surtout américain, mais faut voir. Enfin bref, on a un autre truc pour toi. On a une liste de noms et on aimerait savoir s'ils te disent un truc ou pas. Ah, donne-moi ça, donne-moi. Une fois qu'il prend la feuille. Ah. Ah, celle-là, c'est le gros panier de Milan. Hein. Tu vois, c'est sérieux. Là tu vois, même, je crois, les hauts de la mafia, ils sont copains avec eux, tu vois. Donc, c'est difficile d'aller les bousculer. Mais je vais essayer de me renseigner et peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose pour toi. Parce que là, comme ça, évidemment, je ne peux pas te dire. Moi, je suis qu'un petit, hein, tu le sais. Oui. Mais tu es un petit qui a de longues racines. C'est vrai. Mais je dois d'abord demander. Oui, c'est ça. Voilà. Hein, moi je n'ai pas le téléphone portable, il n'existe pas. Hein. C'est italien avec l'accent du sud, il n'existe pas. Hein. Donc voilà. Je note les noms sur une autre feuille, on garde l'original de toute façon. Si. Je m'occupe de ça, il n'y a pas de problème. Tu as essayé la police? Vous avez été voir la police? C'est eux qui m'ont donné cette info déjà. Ah. C'est bien. Tout et là, il y a une affaire là avec un. Ouais, le poignardé là. Un homme qui était poignardé là. Spinola. C'est un dramatique. Spinola, c'était un ami d'un grand copain à moi. Et c'est très bizarre. Je crois qu'il y a quelque chose de bizarre sur cette affaire. Et Spinola, il trahit que avec Alfa Romeo? Si, il était un grand communiste qui essaye de syndicaliste, qui essaye de changer les choses Mais les journalistes qui disent que c'est une embrouille avec d'autres syndicalistes, c'est de la merde. Il y a un truc bizarre là-dessous. C'est sûr. C'est pas ça. Ça, je peux te l'assurer. Bah, si t'as des affaires aussi, hésite. Mais ce serait pas un coup des chemises noires, encore une fois? Peut-être, tu sais, en ce moment, si t'es pas bien avec eux, tu peux avoir de gros problèmes. Et mourir est aussi un gros problème, tu vois. Mais Le ça t'aide truc, pas aux étrangers quand même. c'est le truc du syndicaliste assassiné, c'est qu'il est mort pas loin de l'usine. Si. Il y a une manif, il y a une petite manif là devant les portes, je crois. Ah, il y avait, si, mais ils ont été dégagés par les chemises noires, mais c'est pour ça qu'ils sont allés cet après-midi au commissariat. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais je suis sûr qu'ils ont dû se faire dégager après, je pense. Oui. Les chemises noires, ils rigolent pas, et en plus, ils ont la police dans la poche, alors. Mais qui s'était à paraître syndicaliste de ce Pinot-là? Ah, c'est le C'était leader qui? du mouvement. Ah, c'est le De leader. Ah, si, c'est le leader voilà, qui tient le groupe, et avec sa mort, c'est vraiment dramatique pour eux. Mais c'est quelque chose de bizarre. Je pense que ce n'est pas entre eux. Il y a quelque chose là-dessous. Enfin voilà. Ah, est-ce que vous n'avez pas une bonne bouteille de vino? Un petit Chianti ou une autre chose, j'ai un peu soif, vous voyez. On fait sonner le truc, on met sur la note et voilà. Bah, Ok. tu veux du vin? Attends, Non, mais il y attends. a un bar, il y a Regarde un ce que j'ai bar. dans ma poche. Et je lui Dans ta sors une bouteille. poche. Hein. Il va sentir son ail. Il va Mais sentir son qu'est-ce ail. que c'est ça? Mais tu vas pas bien, non? Qu'est-ce que tu veux pas faire quoi avec une brousse d'ail? Putain, il se trimballe avec son ail ces dans sa poche. Américains. Ah, peut-être tu veux faire une sauce. Si tu veux. La sauce, une bonne sauce tomate pour les pastas. Non, mais Una bolognaise. Emilio, est-ce que ton gars là, Horacio, je sais plus quoi, il est fiable? Orlando. Bien Orlando. Ah, sûr que je mais suis tu m'écoutes fiable. pas là. Tu restes en dehors de notre conversation. Mais comment veux-tu que je reste calme? Oh, tu parles de moi, devant moi, mais ça va pas, mon gars. Je parle à mon ami, ok? Emilio, calme-les, c'est pas comme il me connaît pas, hein? Peter, c'est un collègue. Et Ok. là, à mes collègues, je Demande comprenais même peut-être. ma vie. Donc, moi, je le crois. Quand il me dit un truc, je le Ok. crois. Moi, si tu lui fais confiance, je lui fais pas confiance, mais c'est pas grave. Mais Peter, on se fait pas confiance de toute façon. C'est pour ça. Je voudrais savoir, est-ce que, à ton avis, il peut retrouver la pièce du puzzle, la pierre de notre statue? Tu penses qu'il serait capable, dans une grande ville comme celle-ci? Pierre de notre statut? La membre manquant de le CDFK. Non. Non. Trafic d'œuvres d'art, c'est pas leur truc, un truc comme ça. Ça, c'est le truc. Mon patron s'y connaît bien en œuvre d'art, mais. C'est pas leur. Non. C'est pas. Je pense pas qu'ils comprennent quelque chose à ça. C'est vraiment. Ça, c'est quelque chose de perdu. Ça, c'est quelque chose d'oublié. Eux, ils s'intéressent plus à un art plus antique, plus noble pour eux. Les curiosités, c'est pas vraiment leur fort. Ah là là. Bon, c'est bon, je peux Après, parler là ou bien? Vous n'avez pas besoin de moi. Parce que moi, je peux m'en aller. Bon, avec la demoiselle, la la bouteille de Bella, on peut Chianti, aller faire un tour si je te vous la voulez. sors, te la... Ah, Catherine, c'est ça, Catherine. C'est cela. Eh bien, si vous voulez, je vais vous faire visiter Milano. Je connais plein d'endroits sympathiques, des restaurants charmants, avec une bonne ambiance. Vous allez très bien manger, boire du bon vino. Et je peux vous faire Je découvrir reconnais la... qu'Orlando, c'est le seul enthousiaste que j'ai croisé depuis notre arrivée ici. Hein. Ben, c'est Ah oui, ça, normal, moi, j'arrive pas de parce que l'ambiance, Milano. elle est pas... Je suis pas de Milano même, j'arrive d'une ville à côté. Alors je suis bien, oui. C'est vrai que les gens ici sont un peu moroses, je ne comprends pas trop, mais c'est comme ça peut-être, les chemises noires, la morte, comme ça, je ne sais pas. En tout cas, Catherine, je vous amène où vous voulez. Au nouveau restaurant. J'en serais fort heureuse, mais pas aujourd'hui. Ah, tellement triste ça. Et ben... Va draguer les petites au bar et... Je connais, tu sors avec une par jour. Si, mais... T'as eu tout Milan dans ta poche. Faut changer de ville, d'ailleurs. Ok, d'accord. Bon, je vais vous laisser. Je reviendrai. Alors, je viendrai avec une petite surprise. Surprise pour Caterina, tiens. Mais attends, comme ça. Oublie pas ta bouteille, oublie pas ta bouteille. Non, ouais, c'est ce que j'ai dû offrir, la bouteille. Je viendrai pour vous. Et si j'ai des informations, tu le sauras. Tu sais très bien, quand je cherche quelque chose, je trouve. Ah oui, d'accord, toi, t'es persévérant. C'est ça. Alors, bonne soirée, buona serata. Si on dit comme ça, je m'en rappelle plus. Et buona noche. Voilà, buona notte. Buona notte. Ah, les commentaires de monsieur Slucky sont magiques. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais, cette dame? Yez-les-vous en premier. Tu vas pas me faire ça à moi. À moi. Bon. Et vous voyez Orlando qui part avec quand même un petit, tu sais, un petit geste un baiser soufflé à Katerina, genre. Et il s'en va. Voilà. Ensuite, vous retrouvez donc tous les quatre. On vous fait amener des plats différents. Vous voyez que les plats sont pas amenés en même temps. Enfin, vous voyez, il y a un premier plat. Donc, il y a, on va dire... des antipastis, donc c'est les apéritifs, les amuse-gueules. Ensuite, on vous fera parvenir un plat de pâtes, donc ce sera le premier plat. Et ensuite, dans un autre plat, vous aurez la viande ou la chose, puisque le second plat. Puisque là, en Italie, on mange pas tout ensemble, on mange tout dans plusieurs plats différents. On ne mélange pas, c'est important. Comment vous êtes donc en train de vous restaurer. Pardon ? Comment ils font la couscous boulette alors ? Eh bien, chose incroyable, ils n'ont pas de couscous à Milan. Pas encore, du moins. Ce n'est pas encore arrivé, le couscous. Voilà. Hop là. Alors, maintenant, c'est à vous de... Je vous laisse gérer ça. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? D'ailleurs, ouais, avant de t'appuyer un truc, je veux juste lire la liste qu'on a par rapport au possesseur d'Alfa Romeo. De mémoire, je me rappelle pas qui est des personnes que vous connaissez, ni de personnes notables. À part des riches, des riches italiens, on n'a pas eu affaire à de... Le truc, enfin, après policier, je crois. Il y a sur la liste personne de. A priori, la voiture a été volée, je crois. C'est possible. Mais volée à qui? Ah ah. Donc maintenant, la liste, elle est longue de combien de personnes, s'il vous plaît, monsieur le jeu? Il y en a 10. Une dizaine de personnes. Il y a une dizaine de. Ouais, bon, on peut toujours les appeler, hein, via. Ouais. Via un télégramme. C'est vrai que trouver à qui a été volée la voiture, c'est pas mal, hein. Ouais, déjà ça. Ouais, elle n'a peut-être pas été volée, en fait. Si. Et oui, ça prouve qu'elle n'a pas été volée. Non, mais du coup, il y a... Enfin, vu qu'il n'y a qu'une dizaine de personnes, en vrai, c'est, Nelson a raison, c'est une piste très intéressante à explorer. J'appellerai les personnes. Tu les appelles là, maintenant, ce soir? Attends, je m'endors. On y va demain. Non, mais j'en appelle une partie ce soir, pas que ça, qu'on sépare le travail, quoi. Ok. Hop. Alors, désolé, j'étais en train de je fais un petit test, voilà. Test. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Ouf, tout va bien. Alors, vous voulez, du coup, les noms... je vais vous donner des noms notez-les quelque part. Moi, je vais les noter également parce que je vais probablement les oublier si je ne le fais pas. Alors, il y a un Ernesto Canaro. 2NARO. Au test. Roberto. Conchi. Armando. Armando. Teruzzo. Teruzzo. Là, on en est à combien? Un bon. Flavio Conti. Oh, Conti, je connais son nom. Ah, vous le connaissez? Comment ça se fait? Il y a vers parallèle, je crois. Marcelo. Marcel. Oui. Cannavaro. Non, je ne suis pas adepte du foot. Cannavaro. C'est vrai, ça, je pourrais étudier un peu les joueurs de foot. On s'en fout, ils n'existent pas pour l'instant. Ça dépend de quelle époque. Ah, exactement. Sergio. Marquidi. Là. On en parle de celui-là. Hein. C'est un véreux celui-là. Un véreux celui-là. Jusqu'à la moelle, ce Sergio. T'as dit comment? Sergio Marcelo Cannavaro, ça c'est celui d'avant. Ouais. Et après, tu as Sergio Marchini. Pourquoi c'est un véreux celui-là? Là, celui-là. D'ailleurs, Emilio, il me semble que même toi. T'en as peut-être entendu parler, ça te dit vaguement quelque chose, hein. Voilà. Hein. Et qui c'est, ce Sergio Marchini? D'ailleurs, vous en parlez. Ça te dit quelque chose? Tu te dis, tiens, Emilio, Sergio Marchini. Ça, c'est un gars qui bosse dans des galeries d'art, mais il fait une espèce de trafic bizarre selon toi, et peut-être du faux. Ou... Voilà, c'est à ça que ça te fait penser. Mais t'es pas sûr, peut-être. Peut-être. Sachant que mon patron, normalement, est un fanat d'art, enfin, un très grand collectionneur, peut-être que. On a des informations supplémentaires sur lui. Vous avez un Tonio Arnella. Il bosse dans la finance. Oh, c'est bizarre, ça. Tonio Arnella, A-R-N-E-L-A. Je vous mets que des noms qui sont faciles à écrire, honnêtement. Comme ça, on s'embête pas. En même temps, les Italiens, ils ont des noms assez faciles à... en général, hein. Francesco Piani. Avec deux N. Ah, c'est lui aussi, je connais. C'est marrant, ça, il y a des noms qui me... Bon, on va avoir Enzo peut-être à un moment. Enzo. Ah. Non, mais on a combien là? Je dis 10, il faut bien. Enzo Soprano, bien sûr. Non, je vais pas dire Ferrari, sinon ce serait trop cheaté. Enzo. Ferrar. Panini. Pour Panini, les connaisseurs. Tout à fait. Oh, là. Donc là, on en est à 9. Sergio Leone. Un petit descendant. On va voir Enrico Gucci bientôt. Et Sergio, j'ai déjà fait donc. Antonio Cortés. Sergio. Hein? Si, Sergio Marchini, il l'a déjà fait. Rolando. Et Orlando, tiens, parce qu'il y en a pas de raison. Un autre Orlando, tiens. Orlando, tiens Macaroni. Alors, non, alors, si ça devrait être un Orlando Bloom made in Italie, ça serait un Orlando Sfumato. Orlando Bonini, parce que Macaroni, ça ferait un peu trop... Bonini. Bonini. Bon, Sfumato, on va mettre. C'est marrant, parce que Sfuma, c'est justement la buée, enfin... Voilà, voici la liste des détenteurs de ce véhicule. Et vous savez de sources de la police que ce sont tous des gens très haut placés de Milan. Voilà. C'est Nice. Là, vous avez tout noté, c'est bon ? Oui. Là, le live aussi. Sloki, j'espère que tu as noté. Hein, parce que... Faut tout noter. Hein, attention. Ah, monsieur Sloki, faut y aller. J'espère que tu notes tout. Hop. Ouais, à la fin, il relève les copies. C'est sa faute. Hein. Ah ouais, voilà, hein. On compte sur toi. Hein. Donc voilà, vous avez votre liste. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites. Je me croirais dans Écrime. Qu'est-ce que vous faites? Alors Écrime, ils font des trucs... je lâche mes chaussures. C'est genre... Je mange une boulette de viande. Je nettoie mes lunettes. Le JDR, c'est... Il te faut 15 ans pour finir la campagne. Non, mais j'ai déjà appelé ceux qui me disent rien, vraiment rien, tu vois. Genre. Ceux qui m'ont pas l'air véreux et tout ça. Et je vais essayer d'avoir des informations si ils sont intéressés pour vendre justement leur... Alfa Romeo. J'ai appelé comme un potentiel acheteur. Ok, bah dis-moi qui c'est que t'appelles. Donne-moi le nom. Totalement arbitrairement, j'ai commencé par la fin. Donc je commence par Orlando. L'ancien des 10. Ah ouais, il y en a 9, donc... Mais non, il y en a 10, non ? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? 10 ? Ah oui, Flavio Conti, ouais. Ernesto Canaro, Roberto Conchi, Romano Teruso. Ah oui, oui. Voilà. Je lance un des 10 si tu veux. Vas-y. Hop là. Quoi ? C'est qu'il faut pas. Armando. Roberto. Non, mais le. Ah non, c'est qui ? Échec critique. Armando. Numéro. Teruso. Ok. Lui, il te connaît. Il a fait mes noms. Vous êtes pas un acheteur, monsieur. Donc ça sonne. Ring, ring. Pego. Oui, bonsoir monsieur. Est-ce que je suis bien à la maison Teruso? Si. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je souhaiterais parler à Armando Teruso. C'est lui-même. Ah. Je vous appelle au sujet de... qui êtes-vous? Emilio Duranti. Emilio Duranti? Oui. Je ne connais pas. C'est quoi? C'est quelle maison? Quelle maison? Bah si, quelle maison ? Quelle maison ? On ne se connaît pas, vous travaillez où ? Je donne la maison de mon patron. Je travaille pour la mafia, bonjour. Bonjour, bonjour, je travaille pour cette maison-là. Non, mais je dois avoir un nom de maison bateau, tu vois, qui est dans la... Ah, ok, c'est bon, ouais, je connais. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là, encore ? Mon patron serait intéressé pour vous acheter, en fait, votre Alfa Romeo. Laquelle? La RL, le modèle RL. Ah, et ça fait pas longtemps que je l'ai celle-là. Elle n'est pas encore sortie officiellement, mais... Mon patron est un très grand fan d'automobile. Quelle couleur? Oui, bon, c'est ça que j'allais venir. Il aimerait pouvoir que cela aille bien dans son jardin et... Avec et du coup si est-ce que votre Alfa Romeo est couleur blanc crème? Ah non, tu es pas bien renseigné mon ami. Moi elle est rouge. Elle est rouge. Ah. Si. Non mais On m'a pas donné le. Même pas. Ça, c'est pour les femmes. Je sais juste. Je connais juste certains noms. Ah, excusez-moi, monsieur. Ah, il n'y a pas de problème. Soirée. Mais s'il veut, peut-être un rouge. J'ai plein de, d'autres modèles. Il n'y a pas de problème. Ah. Bah, il est intéressé par celle-ci, surtout parce que. Justement, ouais, va allez. Va bien, il n'y a pas de problème. Ok. Mmh. Ah, ciao. Ciao. Et je raccroche. Donc, Armando Treluso, rouge. C'est pas lui. Après, ça prouve, il l'a peinte, genre, hier, tu vois. Non, il aurait dit ah, mais c'est con, je l'ai peint hier, les gars. Petit coup de police. Ça prend du temps hein, de peindre, de peindre les couleurs d'une carrosserie. Ou alors tu demandes carrément s'il n'a pas un véhicule paru ou volé ou des. Non, mais je pense que le fait de demander aux gens s'ils sont. Ouais. Si ça les intéresse, que je suis intéressé pour acheter leur véhicule, ça. Qu'est-ce ça marche, que ça a donné, ah non. Le gars avait une voiture rouge. Écoute. C'est la voiture à oui-oui. Je pense que moi ou quelqu'un, enfin, je pensais aller voir sur les lieux où il y a eu le poignardage, parce que ça me sent louche cette affaire. Mon flair me dit ça sent quelqu'un qui était au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Pour moi, c'est pas un accident en fait. C'est pas un suicide. Hein. Je suis un poignard. Non, mais je l'Italie, c'est. J'allais dire, c'est comme dans les Sopranos, mais on va dire ça. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, l'Italie. La magouille en Italie, c'est normal. Et assassiner un chef politique, ça se fait pas, mais c'est possible. Sur un poignard et à multiples reprises, il est tombé dessus. Et, ouais, c'est que aux États-Unis, le communisme, vous connaissez pas, mais. Ah, si, si, ça existe, hein. Seulement, nous, on les met en prison, quoi. Vous allez me faire un jet d'idées. À cette époque, ça va. Ah oui, c'est vrai qu'à cette époque, oui. Big brun. C'est vrai que c'est plutôt en 45. Ouais, c'est 95. Ah, je me marre. Alors que c'est clairement, tu sais, c'est des bonnes idées. Le communisme aux États-Unis. Du coup, à toi, jet d'idées. Catherine, on va voir si t'as. Je crois que c'est entre les deux qui discutent. Non, tous. Idée, c'est intelligence. Je pensais que c'était un débat interne. Non. Catherine, Catherine, tu es. Tu es prise dans tes pensées, en train d'apprécier le repas, puisque tu trouves que c'est très raffiné, ça a bon goût, ça fait longtemps que tu n'avais pas mangé une... Un repas aussi oui. Goûtu, aussi bon, ça te fait plaisir. Même en France. Non, si, en France, voilà, mais. Même en France. Voilà. Moi, Catherine a beaucoup voyagé. Catherine voyage beaucoup. Voilà, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que l'Angleterre où, malheureusement, elle n'a jamais vraiment bien mangé. Voilà. À part le pudding. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est un peu dans les racines. Hein. Voilà. En même temps, le chef étoilé en Angleterre. Si, il y a Gordon Ramsay qui n'est pas encore né. Voilà. Je crois que c'est ça. Il aurait dû naître avant. De votre côté, Emilio et Nelson, vous êtes pris dans votre discussion sur les voitures, les modèles, les couleurs. De toute façon, les voitures rouges plus vite que les autres. Voilà, vite. Toutes les propositions qui vous sont faites sont éludées par cette conversation. Et Emilio est très, comment dirais-je, têtu, puisque pour lui, bien sûr, les meilleures voitures du monde, ce sont les Alfa Romeo. Non, il n'y a pas que les Alfa Romeo, il y a les Ferrari. Oui, mais enfin, la voiture italienne, quoi. On est bien d'accord pour Emilio, la voiture italienne sont les meilleures voitures du monde. Et que voilà, les autres, bah, c'est les autres. Bon, c'est la meilleure des voitures. Nelson, lui, soutient le contraire en disant que les voitures anglaises sont les meilleures. D'ailleurs, si on réfléchit ce sont les Anglais qui ont avec un petit peu les Français, mais bon, fait les bagnoles, tu vois, en gros. Hein. Donc, voilà. Et nous, les Américains là. Non, mais vous, les Américains, vous avez copié. Les Anglais, c'est bon. Ouais, oui, et puis il n'y a pas encore Ford, il n'y a pas... Voilà, hein, l'industrie, elle commence à peine aux États-Unis. Si Ford, il ne doit pas être très loin, mais bon. Il n'est pas loin, mais... Il est déjà là, mais... Ça existe depuis 1914, mais la Ford T. On va dire que, le fleuron de la voiture de luxe, ça reste quand même la France, les Anglais, les Italiens. Ouais. Bon, Italiens, on sait qu'ils utilisent leur voiture de luxe comme tracteur, donc moi ça me dérange pas. Qu'est-ce que tu racontes là? Quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes pris. Ils faisaient des tracteurs. Quoi qu'il en soit, vous êtes pris dans votre discussion et vous zappez totalement le truc. Non, mais moi, par contre, Peter, mais attends, laisse-moi arriver. Oh, attends, possible ça. Je t'embête. Peter, toi, quelque chose te revient à l'esprit? Une discussion que vous aviez eue avec le directeur scénique qui vous avait dit que Katharina aimait bien se rendre également à la cathédrale de Milan, se rendre sur le toit de la cathédrale parce que c'est un moment où elle se reposait. Et que, au pire, vous pouviez toujours essayer d'y aller à l'occasion pour voir si jamais elle était là-bas. Mais bon, ce serait quand même bizarre que personne ne l'ait vue. Enfin, ça voilà. Ça me fait penser à un livre de Victor Hugo, tout ça. Voilà. Donc voilà, cette discussion te revient à l'esprit. Voilà. Pendant tout ce chahut, ce débat voiture anglaise, voiture italienne. Voilà. Quand y aller demain, Peter, à la cathédrale? En tout cas, elle est fermée. Hein. Bah justement, oui, profitons-en pour aller monter dans les combles. Fermée, ça va être dur. Ça va être dur, c'est une cathédrale, quoi. Vous savez qu'elle est ouverte au public en journée, y a pas de problème. Et en soirée, elle est totalement fermée. On est pas si loin. Bon allez, moi je vais me coucher. On verra demain. Du coup voilà, maintenant je vous laisse à vos pérégrinations, à savoir ce que vous allez faire soit ce soir, soit demain au réveil. Là j'enlève mes chaussures, je me mets en chaussettes. Alors attends, ouais, fais un jet pour savoir si tu sens des pieds ou pas. Non ça va. Non Nelson ne sent pas des pieds. Alors moi je reprends le combiné. Et je passe au prochain. Refais-moi un jet. Je vais me coucher, hein, si t'en as pour la nuit. Je vais pas faire ça toute la nuit. 4. Hein. Ouais, on te laisse une bonne nuit. Flavio Conti. Ok. Donc, ça sonne. D'ailleurs, je crois qu'à cette époque, c'était encore les dames. Ouais. Donc tu as la femme qui donc celle qui doit te raccorder à Flavio. Allô, impératrice. Allô, attendez, je vais vous. Oui, je voudrais Flavio Conti, s'il vous plaît. Mais attendez, je vous mets en relation. Bah tiens mais. Tu voilà. T'attends une minute, deux minutes. La dame revient. Bon, excusez-moi, il n'y a personne qui répond. Essayez peut-être un peu plus tard. Enfin, ou demain. Très bien, merci. Bon, en même temps, il est 22h. Hein. Ah, il est 22h. Normalement, tu lis ton livre, là. Ouais. T'as la peste de Camus sur ton chevet. Soirée. Voilà. Oula, non. Là, il n'y a pas de soirée. Hein. Je te rappelle, tout le monde est triste. Ah bah oui, là... Oui, mais normalement, les Italiens font des soirées. C'est... Oui. Ils mangent, ils dansent. Vous voyez que Peter s'en va, il va se coucher. Les BD Astérix et Obélix, ils font la même chose à chaque fin. Peter disparaît et il va se coucher. Il a bu sa petite verveine. J'appellerai Flavio Conti demain et puis voilà. Ok. Catherine, que fais-tu? Moi je suis parti me coucher, voyant que. Ok, Catherine est partie se coucher. Et toi, donc Nelson et Emilio, qu'est-ce que fais-tu? J'ai attendu qu'il fasse son coup de fil. Je m'attendais à ce qu'il continue. Donc j'ai apporté une bouteille que j'ai commencé à déboucher, déguster. Donc maintenant, s'il va aller se coucher, à moi qu'il aille se coucher. Sinon, on partage la bouteille, on a fini, on va dormir. Hein. Peut-être pas la finir. Mais à deux. À deux, ça va. Puis après, si tu veux pas la finir, je la finirai. Voilà. Nelson ne gâche pas les bonnes bouteilles. Nelson ne gâche pas les bonnes bouteilles. Ah non. Bien italien, je crois. Ça s'évente après, c'est du vin. Bon, du coup, je pars du principe que vous allez peut-être un petit peu continuer votre débat sur les modèles anglais et italien, jusqu'à ce que de fatigue, chacun aille se coucher. De toute façon, c'est moi qui gagnais, mon papa c'est plus fort. Voilà. Vous allez vous coucher. Et tout se passe tranquille. Le matin se pointe. Vous vous êtes bien reposé. C'est peut-être une des premières nuits où vous avez à peu près bien dormi, où vous êtes bien requinqué. Vous avez bien mangé, vous avez un petit peu de tranquillité sur cette nuit. Voilà. Alors, que faites-vous? Les draps en soie, vraiment, ça change. J'étais dans les draps en soie, ouais, c'est génial. À part en satin, quand même pas. On prend un petit déjeuner, je pense, déjà. Si, un bon petit déjeuner italien. Bon, donc, qui c'est qui va à la cathédrale? Est-ce qu'on continue à appeler? J'étais en train de dire, pendant que tu fais la secrétaire, Emilio, nous autres, on pourrait aller à la cathédrale. Ouais. Mais attendez, je vais demander quand même au service de vous envoyer un interprète, parce que vous allez pas être dégourdi. On va se débrouiller, Emilio. J'appelle, je prends le tu veux que je vienne avec vous sur la scène du crime? Non, la cathédrale. Là, il parle de la cathédrale. Emilio, t'as besoin d'un second assistant téléphonique? Non, je ne pense pas, à part si tu peux me connecter directement. Et t'en fais pas, Emilio, j'ai mon bouquin de traduction italien-américain. Ah oui, le fameux où tu as essayé de me demander où sont les toilettes et j'étais. Il a été dédicacé par Al Capone, donc ça vaut ce que ça vaut. Oui. Ok. Alors, on part du principe que. Salut, sois pas la femme. On part du principe que. Emilio reste dans la chambre, enfin l'appartement, pour essayer de contacter des gens. Et que donc Peter, Catherine et Nelson, vous partez vers cette cathédrale. À part si je vais faire autre chose. Je vais donc m'occuper de Peter, Catherine et Nelson pendant ce temps-là. Et confiné, Emilio. Tout seul, Emilio. Dans le coin. Au coin, il se sacrifie pour la bonne cause, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Ah oui, totalement. Il fait une tâche pénible qui va nous avancer. Hop là. Alors, vous voilà donc retourné dans les rues de Milan. Vous retombez donc dans cette ambiance plutôt. Plutôt froide, morose. Les gens sont toujours autant déprimés. Ils regardent le sol, ils traînent des pieds. ça contraste parce qu'en même temps ils sont super bien sapés, des habits colorés. On sent que voilà, l'ambiance, l'ambiance qui dénote ne va pas avec le cadre et avec la façon de vivre habituellement. Et vous vous dirigez donc vers la cathédrale qui s'appelle Il Duomo. D'ailleurs, vous avez récupéré des petits bouquins qui étaient du coup dans l'appartement, qui vous expliquaient un petit peu les différents ouais, voilà, c'est des dépliants. Vous avez de l'histoire et tout ça. Enfin bref. Je voulais juste savoir quel jour on est, histoire que je me situe. Alors c'est une très bonne question. Normalement, nous devrions être le mercredi, parce que vous êtes arrivé mardi, mercredi et le spectacle c'est jeudi soir. Voilà, donc vous savez que la cathédrale du Duomo est le cœur de Milan. C'est vraiment en plein milieu et que c'est un endroit très important puisque les Italiens sont très sont très pratiquants. Ils ont une foi très très importante, mais ça vous le savez déjà. Vous voyez d'ailleurs encore que il y a ces portraits, ces images de la diva qui sont un peu encore un peu partout dans la ville avec des bougies et tout ça, et que au fur et à mesure que vous arrivez vers la cathédrale, ça ne fait que augmenter jusqu'à arriver devant la cathédrale où vous avez carrément des fleurs sur les marches. Des bougies, des portraits un peu partout. Il y a des gens qui pleurent, qui sont limite effondrés sur le sol. C'est très perturbant, on va dire. Vous décidez de rentrer du coup à l'intérieur. Vous avez du coup une énorme bâtisse. Alors comment vous donnez ça un petit peu, attendez, mais je dois avoir des photos. Alors malheureusement je pourrais pas vous les montrer sur le, j'essaie de vous décrire au mieux. Alors attendez, je vous montre ça. Hop, j'aurais dû. Je veux dire, tu peux pas les montrer en live. Ouais, voilà, j'ai pas fait un. J'aurais dû d'ailleurs faire un truc. Peut-être que la prochaine fois, je ferai un truc dans ce genre-là. Un dossier, un truc comme ça, et ouais. Tu les pop sur le live. Ouais, c'est ouais. Alors, hop, là, je vais vous montrer ça. Du coup, vous arrivez devant un machin comme ça. Donc c'est. C'est quand même. En fait, vous êtes sur une place. Donc, c'est une grande piazza. Je crois que tu peux copier le lien, non? Pour le montrer à tout le monde. Je pense que tu peux copier le lien. Ouais. J'ai mis ma recherche d'image cathédrale de Milan et je mets là-dessus. Là, moi, en fait, c'est si j'ai pas de lien, en fait, je vous mets juste une photo d'un dossier. Oui, mais sur Discord, de toute façon, quand tu mets une image, elle est Je l'ai mis dans le truc du live. Je pense que tout le monde pourra. Vas-y, si ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et en gros, tu fais clic droit sur l'image, copier le lien, parce que Discord l'héberge automatiquement. Ok, copier le lien. Alors attendez, on va tester si ça marche ou pas. CTRL-V. Est-ce que moi, on voit le lien que j'ai posté? Je le vois pas. Attends, comment ça se fait? Je sais pas. J'ai pas le stream sous les yeux parce que ma connexion ce soir est un peu capricieuse. Ah putain, le stream. Ok. J'ai l'impression que. Bon, je l'ai mis. Voilà. Je l'ai mis directement. Mais c'est exactement le même lien. Tu vois pas mon lien juste au-dessus Non, je l'ai pas vu. Non, okay. j'ai pas de lien. Il m'a dit deny. Le bot m'a dit. Ouais. Ok, donc voilà à peu près la. Enfin, vous voyez tous maintenant l'image de cette cathédrale. Donc c'est une grande place. Vous voyez d'ailleurs que pour situer bah, tout le monde, que la place où vous êtes avant de rentrer est quasiment vide. Et que le peu de personnes qui s'y trouvent, en fait, ce sont vraiment devant la cathédrale. Donc c'est vraiment quelque chose d'immense, c'est vraiment impressionnant de se trouver devant ça, avec ces pics qui pointent vers le ciel. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vois vers ça. Donc vous êtes quand même super impressionné par ce bâtiment. Et vous finissez donc du coup par rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est d'autant plus impressionnant. Hop, je le mets et je vous donne ça tout de suite après aussi pour le live. Hop, hop, hop, voilà, comme ça. C'est magnifique, hein. On voyage avec les streams de la petite pause JDR. T'as vu ça un peu, hein? T'as vu ça un peu? Ah bah ouais. Magnifique. Hâte d'être à Constantinople, hein. Ouais, Constantinople, pardon. Ah donc oui, vous voyez du coup ces grandes colonnes qui supportent du coup une toiture assez colossale. Une architecture baroque, je dirais. Ouais, probablement. Et la nef a un éclairage de toute beauté. C'est ça. Vous voyez d'ailleurs que les gens sont à l'intérieur, qui sont dans le même état qu'à l'extérieur. Ils sont en pleurs. Il y en a qui sont à même le sol, en train de vider toutes les larmes de leur corps. Et cette photo, il y a un portrait quasiment géant de la diva avec un parterre de fleurs. Et c'est le moment où vous avez un homme qui se dirige vers vous, un prêtre a priori. Excusez-moi, vous voyez que c'est un homme assez corpulent, assez costaud, hein, visage assez large. On dirait plus un athlète qui s'est déguisé en prêtre qu'autre chose, et qui vient vous alpaguer comme ça que voulez-vous? Voyez-vous, c'est le diable, c'est le diable. Regardez, les gens, ils ont plus à prêcher la diva que Dieu. Que Dieu. Vous regardez, c'est le diable. Mais que racontez-vous? Qui êtes-vous? Je vous dis que la Scala, c'est la demeure du diable. Regardez. Regardez. Ces gens qui pleurent pour la diva. Même le Christ, ils ne vont même plus le voir. Ils sont là devant cette femme et ils pleurent. Ah. Je vois qu'il n'a pas totalement tort, hein, parce que la dernière fois qu'on était allé à la Scala, les décors n'étaient pas super... Ah oui, non, mais on sait qu'il y a un truc étrange, hein, quoi, non, mais il préfère une cérémonie, moi, à mon avis. Hein. Oh, écoutez-moi. Vous demandez-lui de l'obéir. Ok, écoutez-moi. Un séjour sombre, nous vénérons acteurs et chanteurs, alors que la présence à la messe décline, le public de la Scala augmente. La Scala, je vous le dis encore une fois, est la demeure du diable. Et vous voyez qu'au moment où il dit ça, il s'effondre par terre et il s'effondre en larmes. Je m'agenouille pour le rassurer un peu. Je lui dis qu'on est là pour exorciser un peu la situation. Comment ça? Je lui dis qu'on est là pour exorciser la situation. Tu vois que il est tellement, il a l'air inconsolable ce prêtre. Et d'ailleurs, vous faites un tour autour de vous et vous voyez. Pareil, d'autres personnes qui sont en pleurs. D'ailleurs, vous remarquez que près d'une des portes, il y a trois petites vieilles femmes, toutes maigres, toutes fripées, qui sont habillés tout en noir. Je m'approche pas d'eux. Hein. Qui pleure devant le portrait de Cavolaro et qui sont avec des fleurs. C'est des pleureuses. Bah, c'est des femmes, des vieilles femmes qui pleurent devant qui sont là. Voilà, la diva, la diva, rendez-nous la diva. Est-ce qu'on n'irait pas voir au-dessus de l'église pendant qu'on y est? Je demande au prêtre si on peut avoir accès au... Il n'est pas effondré là, il n'est pas en train de pleurer, le prêtre. Mais je suis toujours à genoux, moi, pas loin de... Voilà, pour chercher à le rassurer, donc en même temps, j'en profite, hein, pour piquer les clés. Pas les voler, mais... demander. Subtiliser et emprunter. Ouais, le prêtre qui... Tu vois le prêtre qui se relève, qui pleure toujours. Il dit, regardez toutes ces femmes, même ces Torah-là. Vous savez d'où elles viennent, celles-là? Hein, elles sont de la Scala. C'est les costumières. Elles viennent même ici pour encore prêcher les acteurs et tout ça, et même pas à Dieu. Là, les costumières de la Scala qui sont là chez nous. C'est pas normal, non? Moi, c'est pas normal. Moi, je suis pas catholique, hein, je vous laisse. Non, mais... En vrai, sur être catholique, on sait qu'il y a un truc qui va pas dans la réaction des gens, mais... Non, c'était pour... c'est parce que là, il surréagit un peu, quand même, mais bon, je me dis... Les gens peuvent prier ce qu'ils veulent, quoi, mais bon... Ouais. Mais non, vous pouvez pas dire ça. Mais non, il n'y a plus personne à la messe. Les gens, ils passent plus de temps à la Scala que la cathédrale. Non, mais le Duomo, c'est le centre de Milano. Vous pouvez pas dire ça, regardez. Tous ces gens, ils sont pas là pour la Maria ou le Christ. Non, ils sont là pour une diva. Même si j'aime aussi la diva, mais c'est pas Maria. Mais vous n'allez pas la prier? Mais non. Pourquoi j'irai prier une diva? Pour faire comme tout le monde. Mais non, je suis prêtre. J'avoue que tu fous la merde. Hein. Oui. Non, mais j'ai envie de lui demander... prêtre, mon père. Oui. Je sais pas comment faut-il vous appeler. Tout nous porte à croire, oui, que quelque chose a frappé cette ville. On est nous-mêmes avons vécu des choses étonnantes depuis les quelques mois là, et tout nous porte à croire que ces événements sont un peu liés les uns avec les autres, mais on n'a pas encore trouvé le fil qui les relie en quelque sorte. Vous nous dites qu'il y a le diable dans cette... C'est le diable. Donc l'église du diable serait la Scala. Mais qui est le prêtre, du coup, comme vous, mais de la Scala? Vous le savez? Je ne sais pas. Comment battre le diable? Avec de l'eau bénite, des pieux dans le cœur Je ne sais pas, il faut peut-être chasser le mal de la Scala, mais comment le savoir? Comment ça, vous ne savez pas, vous êtes prêtre, oui ou non? Mais je ne suis pas, oui, mais je ne suis pas exorciseur, mon ami. Moi, je suis prêtre, je suis là pour prêcher la foi, la bonne parole, la parole de Dieu. Mais je ne suis est-ce pas que là que pour exorciser. Est-ce que la diva venait la tour en haut, monsieur, mon père? Ouais, est-ce que la diva venait souvent ici pour visiter elle venait visiter là-haut. Elle venait pour parce que c'était un endroit qu'elle aime beaucoup, et d'ailleurs j'étais très content parce que venaient c'est compliqué, disons que pour vous atteindre le fil pour atteindre l'étage là-haut, maintenant c'est en travaux, donc peut-être c'est très dangereux. Ah, hein. Je vais pas me casser un ongle. Hein. Et au moment où vous êtes en train de discuter, d'un coup, vous entendez quelqu'un éclater de rire. Mais genre, un éclat de rire de malade mental. Genre. Un fou rire complet. Le fou rire du méchant de manga. Et vous vous retournez. Et vous voyez un vieil homme qui est à quatre pattes à côté d'un des piliers. Et vous devinez qu'il probablement il cherche quelque chose tout en éclatant de rire. Voilà. Ouais, bah, moi ça me surprend. Moi j'étais pas dans cette optique-là. Mais il cherche quoi? Il a trouvé? Il cherche toujours. Vous voyez qu'il est en train de chercher quelque chose, mais que et pendant qu'il cherche, à côté d'un pilier, il est mort de rire. Il est trop mort de rire. Pendant que tout le monde pleure, ça dénote avec l'ambiance générale. Moi, ça m'angoisse en fait. Les gens fous quoi. Je vais chercher avec lui. Je lui demande qu'est-ce qu'il cherche. Du coup, ça le surprend au moment où t'arrives. Tu vois qu'il se relève. Et qu'au moment où il se relève, il y a un espèce de bocal en verre qui tombe de son manteau sur les dalles. Ça fait ping, ping, ding, ding, ding, ding, ding. Tu vois que ça roule un petit peu pour venir taper sur un des bancs de la cathédrale. Et tu vois que dedans il y a des morceaux de papillons et des mites mortes. Durant, c'est une belle collection. Tu vois que le gars, en fait, au moment où tu poses vraiment les yeux sur lui, c'est quelqu'un de assez mince, plutôt bien habillé. Et tu vois que au moment où tu lui donnes son bocal, il se barre assez rapidement. Ben voilà. Il y a que toi qui es allé ou vous êtes allé avec lui? Ah, je t'entends plus. Non, Peter. Moi je suis allé avec lui. Non, moi je suis resté avec le prêtre. En fait. Ok. Donc du coup vous allez Catherine et Nelson, vous allez faire un jet talk, s'il vous plaît. Ah, il va passer une bonne soirée, Gassard, j'imagine. Ah non, mais je vais les récupérer juste après. Je vais être confiné jusqu'au 11 mai là-dedans. Et toi, Catherine? Oh, ok. J'utilise des points de chance. Je vais voir notre ami Gassard. Et tu sauras après ce que t'as vu. Monsieur. Emilio. Alors, moi j'ai appelé tout le monde là. Moi j'ai appelé tout Milan. T'as essayé de rappeler qui là? T'as appelé qui? J'ai essayé d'appeler à peu près tout le monde sauf Sergio Marquignan. Ok, donc toi que tous les gens que tu as appelés, soit ils avaient pas forcément le modèle que tu, enfin la couleur que tu cherchais, ou elle était en panne, ou tout simplement il l'avait, mais il l'avait pas encore reçu réellement, puisque c'était acheté mais pas reçu. D'accord. Moi, la seule personne qui a priori pourrait correspondre, c'est la personne que tu as appelée hier soir, que tu as rappelée aujourd'hui. Flavio Conti. A priori, tu ne l'as pas eu directement. Tu as eu une personne qui était à son service, qui a dit qu'il n'était pas disponible pour l'instant. Mais de ce que tu as compris, il aurait effectivement une Alfa Romeo RL. Mais de la bonne couleur. D'accord. Et les personnes qui m'ont dit oui. L'Alfa Romeo, elle est au garage pour être une immense. Une Alfa Romeo, ça ne va pas au garage. Malheureusement pour toi, Emilio, ça arrive. Il peut y avoir des véhicules qui sont pas. Voilà, mais bon, il n'y en a pas eu 50. Hein. Il y en a eu peut-être deux qui ont genre un problème moteur et l'autre, il avait une roue Oui. qui, voilà, qui partait en sucette. Donc, c'était vraiment. Voilà. Donc, la seule personne qui, a priori, colle avec le profil serait Flavio Conti. Mais bon voilà, tu sais que a priori de t'être renseigné, c'est quand même quelqu'un de très bien placé, de très bien placé. Voilà, attends, du coup, je vais te dire ça. Los Flavio Conti. Hop. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite, parce que du coup c'est énormément de trucs. Ouais, tap, tap, tap. Et du coup, ce gars-là, en fait, détient des usines Alfa Romeo. Ah donc, oui, d'accord, très bien placé, à des usines Alfa Romeo. Okay. Ouais. Ok. Je vais essayer aussi maintenant que j'ai appelé à peu près tout le monde d'appeler Sergio Marchini en fait. Sergio Marchini. D'accord. Bah tu appelles Sergio donc. Okay. Ah. Prego, prego. Oui. Bonjour. Je vous appelle au sujet de votre voiture. J'ai pu remarquer que vous avez une Alfa Romeo RL. Ah, si, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et pourquoi? Quelle question? Vous me l'achetez? Oui. C'est bientôt l'anniversaire du fils de mon patron. Et pour son anniversaire, mon patron voudrait lui offrir un modèle un peu unique, comme ce dernier. Il chercherait du coup une cette voiture. Donc c'était pour savoir si vous étiez intéressé pour la vendre. Eh bien ma foi, ça dépend le prix qu'il est prêt à mettre. Vous avez beaucoup roulé avec? Non, pas vraiment parce que elle n'est pas encore officiellement sortie, mais j'ai dû faire quelques kilomètres avec pour me balader, mais c'est une très bonne voiture. C'est pour ça, c'est dur pour moi de me séparer d'un bon véhicule, vous comprenez? C'est pour ça, il faut avoir une bonne proposition. D'accord. Elle est de quelle couleur, votre voiture, monsieur? Elle est crème. Très bien. Très bien. Écoutez, mon patron cherche avant tout une voiture en fait rouge. Hein. Rouge. De son fils. Désolé, je n'ai pas ces modèles. Ouais, oui, voilà. Du coup, oui. Mais si jamais j'arrive pas à en trouver une de la couleur souhaitée, je recontacte. Puis un petit coup de polish et ça se fait. Je voulais savoir les sièges passagers, tout ça, ils sont bien ou pas? C'est confortable, si. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les bagages. D'accord. Si. Non, c'est juste pour pouvoir que son fils puisse emmener sa belle un peu. Ouais, je comprends. Si. Ah, c'est une belle voiture. Il n'y a pas de problème. D'accord. Si c'est pour impressionner les femmes, elle sera impressionnée. Là, c'est sûr. Vous faites de l'effet avec. Bien sûr. Ouais, en même temps, c'est une voiture qui coûte cher. Vous comprenez? Ah, oui. Les femmes, elles aiment la beauté, l'argent, les véhicules, la puissance. On a tout ça en Italie. Ben. Les voitures italiennes sont bien les meilleures pour ça. Évidemment, il n'y a pas de question là-dessous. Bien écoutez, merci beaucoup. Eh ben de rien, et puis j'espère que vous trouvez votre véhicule. Je crois que il y a quelques camarades qui ont ça, peut-être. Essayez Armando Teruzzo. Je crois qu'il a une rouge de mémoire. D'accord, merci. Ben, j'essaie. De rien. Au revoir, monsieur. Allez, au revoir. À noter que je lui ai même pas donné mon nom et mon. Ouais, enfin, je dis que tu l'as fait, après, sinon... D'accord, ok. Ouais, ouais, parce que je voulais revenir vers lui, devant lui, tu vois, par exemple, en disant... Oui, non, non, non, je... on va... Ouais, ok, bon, d'accord. Ouais. Évidemment, tu as fait, tu t'es présenté, tout ça, tout ça. Okay. Voilà. Y a pas de problème. Écoute, on avait pas dit comment on allait se retrouver, donc je sais pas combien de temps ça m'a pris pour... Non, mais on va dire que le temps que tu fasses tes appels, ça n'a pas pris énormément de temps que ça, parce qu'en fait, t'es quasiment tombé sur tout le monde. Là, c'était le dernier. Tu te dis que la cathédrale, elle est vraiment pas loin de vous, en fait, voilà. Puisque la cathédrale est quasiment à deux pas de là où vous êtes. Hein. Donc, tu peux tout à fait rejoindre le groupe... juste après avoir téléphoné, il n'y a pas trop. Ouais, c'est ce que je vais faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu cette cathédrale de l'intérieur. Ok, bah du coup, je pars du principe que tu les rejoins. Ah, bien. Yeah. Ok, donc ouais. Pendant que Nelson et Catherine sont partis aider. Ce monsieur qui était accroupi en train de chercher quoi que ce avec soit. Peter, tu vois, il s'est passé à peu près une bonne vingtaine, 20-25 minutes, allez, 30 minutes. Tu vois débarquer Emilio dans la cathédrale et tu vois qu'il il te voit et il vient vers toi. Tout aussi impressionné par ce qu'il voit, puisqu'il est déjà venu dans la cathédrale El Duomo, mais l'ambiance générale est très surprenante pour lui, puisqu'il voit des gens affalés sur le sol en train de pleurer, des portraits de la diva avec des fleurs et tout ça. Ça le perturbe énormément. Mais bon, il se dirige vers toi et essaie. Enfin, te regarde avec un peu d'interrogation, très surpris. Je le prends sous le bras et je lui dis, viens, deux secondes, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Alors, juste, fais attention. Ici, il y a un prêtre qui est un peu toqué. Je pense que c'est parce qu'il est catholique. Mais c'est surtout qu'il nous parle de la Scala, comme quoi c'est l'endroit où se réfugierait le diable, d'accord ? Et que tout le monde est mal à cause de la diva, à cause de cet endroit, la Scala, et que oui, les gens viennent prier la diva au lieu de prier Dio, comme il adorait le prononcer. Et il me paraît très excentrique, mais il a l'air d'être très sincère aussi. Et là, je sais pas, Catherine et Nelson, ils sont partis voir un type chelou qui était en train de rire. J'ai cru voir un bocal, mais c'est tout. Et je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils deviennent. Ça fait 10 minutes, là. Du coup... C'est bizarre. Du coup, je vais juste... Toi, les coups de téléphone Moi, j'ai réussi à voir tout le monde, franchement. Et bizarrement, en fait, j'ai eu que deux modèles qui correspondaient, en fait, à celui qu'on recherche. Donc, on avait celui de Sergio Marchini, bien évidemment. Ça ne m'aurait étonné qu'il n'ait pas une voiture blanc crème. Le Flavio Conti, qui a la bonne couleur et qui est en fait un des dirigeants d'une des usines, Alfa Romeo. Ok. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais il faut qu'on visite les combles. C'était un endroit où la diva adorait se réfugier. Mais je ne sais pas ce que font Catherine et Nelson. Je pense qu'on devrait peut-être aller les rejoindre. Au même instant, vous deux, Nelson et Catherine, Nelson, tu remarques au sol un caméléon qui approche des choses qui sont tombées du bocal et qui est en train de manger. Tu vois d'ailleurs ses yeux, vous savez, qui se déplacent un peu dans tous les sens. Et tu vois que voilà, ils ont des proportions assez étranges. Enfin, c'est quand même assez bizarre. Enfin, un caméléon. Je donne un petit coup de coude à Catherine et je lui montre du doigt. Tiens, t'as vu ça? Et c'est pas du tout. Il y a des caméléons. Et juste pour plaisanter, tu pourrais faire une Europe de la région. Vous savez très bien qu'un caméléon n'a rien à faire à Milan, hein, c'est pas du tout son lieu de vie. D'accord, ouais. Et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, il mange tout et il se carapate derrière une personne et il disparaît. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le caméléon. Toi, tu suis aussi Catherine? Moi, je vais aller prévenir les autres. Non, moi, je vais aller prévenir les autres. Il y a un caméléon, suivez-nous. Je voyais pas de me fouiller au pied des gens, donc ça va. Vous voyez Nelson courir à travers la cathédrale pour essayer de rattraper ce caméléon. Ouais. Ce lézard. Et au bout d'un moment, tu vois que des prêtres se mettent dans ton chemin et te stoppent en disant mais c'est pas possible de courir dans la cathédrale comme ça. Ça va pas, non? J'ai perdu mon animal qui vient de s'échapper là. Non, bah tu vois qu'ils te retiennent, ils comprennent pas et ils te ramènent vers le fond parce que ça fait courir vers le fond de la cathédrale. Et il te ramène devant en disant mais ça va pas là, mais oh vous êtes où là, c'est pas... Mais oui, très bien, mais du coup d'œil je regarde si si c'est pas faufilé dans une figure. Non, tu le perds de vue, hein. Après c'est okay. Terminé. Ouais. Ok, donc du coup tu retournes vers tes camarades. Et Catherine en train de discuter, en train d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Un caméléon. Un caméléon. C'est le genre de truc qui vit pas ici. Oui, qui vit en Amérique du Sud. Un lézard avec des gros yeux. Ah bah, tu connais bien. Pas vraiment. Eh bien, y avait ça ici, avec des yeux très bizarres. Mais plus que caméléon d'habitude, tu vois. Genre, vraiment très bizarre. Cette ville va me rendre fou, en fait. Je suis là actuellement. Ouais. Ah mais je pense qu'elle est déjà folle en fait, c'est ça le problème. Il y a rien qui va. Vous racontez n'importe quoi. Juste très mais triste d'avoir perdu leur diva. Va demander. Ouais. Ah, et le caméléon, c'est normal qu'il y ait un caméléon? Peut-être un animal excentrique, c'est peut-être l'animal excentrique de la diva. Hein. Ah mais pourquoi? Pour un caméléon, et puis on l'aurait vu. Probablement ce que cherchait le vieux. Bah non, il serait peut-être camouflé, du coup on l'a pas vu à cause de ça. Nelson vient de vous dire quelque chose. Bah, t'es où? Non, il vient, il arrivait, il venait en fait au moment où vous dites c'était probablement machin, et il fait une remarque à ce moment-là. Des conneries quoi. Non, répète. Que c'était probablement ce que le vieux fou cherchait, le caméléon. Pardon? Probablement. Et que son bocal de miettes de mythes et de papillons, c'est forcément le dîner du lézard. Voilà, animal de compagnie. Quoi, hein. Un mystère de j'en sais rien. Après, les moines de la cathédrale m'ont interdit l'accès du fond de bâtiment. Ah oui, ça explique pas pourquoi ils cherchent un caméléon. Pourquoi est-ce qu'il rigole avec un caméléon dans la poche, un bocal dans l'autre, je sais pas. J'ai entendu un bruit de bouchon. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas. C'est le prêtre qui débouche un peu de. C'est le prêtre, ouais, ça, c'est normal. C'est la fabrication locale. Ouais, voilà. Vino, vino. C'est le sang du Christ. du coup, vous voyez quand même le prêtre qui dit écoutez, ok, je peux vous faire monter, mais attention, c'était dangereux. Je ne veux pas que vous prenez de risques. Alors, suivez-moi bien comme il faut et je peux vous faire monter là-haut. Ok ? Capito. Très bien, très bien. Si c'est risqué, je peux y aller seulement avec Emilio. Si vous venez avec moi ou vous venez pas du tout. Je viens. Bon. Et calmez-vous, hein. C'est... Non, mais tu vois qu'il est quand même perturbé, le monsieur. Hein. Il est pas. Voilà. Je vois qu'il est prêt. Il va me sauter à la gorge dans les caisses. Il vous emmène dans le fond de la cathédrale. Vous voyez que la lumière est quand même assez sombre. Ça devient de plus en plus sombre à mesure que vous vous éloignez de la porte d'entrée. Et à un moment donné. Après avoir dépassé le cloître et enfin le pupitre là où normalement il fait la messe, il vous fait passer par une toute petite porte, un truc limite où vous serez presque obligé de vous baisser et ensuite ça vous emmène dans un grand couloir qui ensuite vous amène à une toute petite porte pareil et vous avez un escalier un peu en colimaçon, enfin c'est un truc machin, mais genre ouais, super vieux, tu sais, genre ça pue le renfermer, vous savez, il doit pas, enfin il y a pas d'air vraiment pour rafraîchir rafraîchir l'air. L'escalier, il est en bois ou en pierre? C'est de la pierre, ouais, bien froide. Ouais, super vieux comme l'église quoi. Et vous voyez d'ailleurs que c'est vrai que par endroits, les escaliers ont été changés par des planches parce qu'ils sont en train de refaire la structure. Donc c'est vrai que quand vous marchez dessus, ça grince, vous n'êtes pas très rassuré. Mais bon, en suivant exactement le prêtre, vous finissez par arriver tout en haut. Et c'est vrai que la vue qui s'offre à vous est magnifique puisque vous pouvez apercevoir la place centrale de Milan. Vous avez vu sur la galerie où est votre appartement, donc c'est complètement recouvert, hein. Vous avez des dômes un peu partout. Et tout au loin, toute la ville de Milan qui s'étale au loin. Alors bien sûr, à cette époque, il n'y a pas de grande tour, donc vous voyez la Scala. À cette époque, il n'y a pas de grande tour, donc vous savez que la cathédrale est quasiment l'endroit le plus grand de la ville, donc vous surplombez tout et vous voyez à des kilomètres. Donc c'est vrai que c'est très beau, c'est très beau. Et vous vous rendez encore plus compte de la ville qui est vide, de là où vous êtes. C'est triste et à la fois très beau. Voilà. Et le prêtre est avec nous, là. Le prêtre est resté avec vous, il est en retrait un petit peu. J'aurais aimé lui poser une question, c'est-à-dire savoir quand est venue pour la dernière fois la diva ici. Oh, la diva, elle est venue il y a peut-être... Toute la semaine. Et depuis quand est-ce que les gens sont tristes comme ça? Ah, c'est... À leur tête, toujours dans leur démarche, dans leur humeur. Ah, ça va bien faire. C'est pas moi. 3 semaines? Non. Peut-être deux semaines. Ouais. Deux semaines. Mais la diva n'était pas là. Elle était à Paris. Les gens étaient tristes avant sa disparition. Oui. Bien sûr. Oh. Bien sûr. J'ai senti que c'était comme ça depuis quelque temps. Et le fait que la diva disparaisse, ça a juste accéléré encore plus les choses. Voilà. Je cherche s'il n'y a pas des indices ou des traces, si quelqu'un n'est pas venu récemment à part nous. Tu commences à regarder un peu à droite à gauche, tu renifles. Et tu te rends compte. S'il y a son parfum, je le reconnaîtrai. Non, tu vois rien de qui te fait penser qu'elle ait pu venir là récemment. On voit bien la Scala depuis notre promontoire. Comment on le perçoit en fait là clairement? La Scala, c'est style un bâtiment comme les autres ou il se démarque un peu depuis le promontoire? Ah non, tu vois que c'est un bâtiment qui se démarque clairement. Hein. Il est pas beau extérieurement, mais il est quand même volumineux. Oui, c'est vrai que tu te l'avais dit, il paye pas de mine à l'extérieur. Ouais, non, c'est clairement. En gros, c'est un cube géant qui est immense. Un hangar. Mais. Non, voilà. Quand même pas. Et... Esthétiquement. Non, c'est pas un hangar, mais c'est pas super esthétique, quoi. Emilio me met des taquets. C'est ça. Ouais, donc. C'est. Voilà, tu vois que. Il n'y a pas des graffitis, des écrits sur les murs par les ouvriers, par n'importe qui d'autre? Non. C'est vraiment un endroit où tu sais, tu devines que très peu de gens peuvent y aller. Hein. C'est vraiment exclusif à ça. Et que vous vous demandez encore comment ça se fait que le gars vous ait emmené là-haut, parce qu'à la limite, il n'aurait même pas dû le faire. Quoi. C'est pas un truc touristique, quoi. C'est vraiment une faveur. J'ai demandé au gars déjà, mais quand c'est à vous que demander la diva. Si, ou à un autre prêtre. Nous la connaissons depuis longtemps et c'est une personnalité importante de Milano. Alors, pour elle, nous avons fait des exceptions. Ouais. Il y a très peu de personnes qui peuvent monter là. Et j'ai voulu... Et elle venait seule? Oui, toujours seule. Mais c'est pour ça, je vous ai fait une exception pour vous ce soir. Ce matin. Essayez de comprendre ce lieu. Ça a une signification certainement très précise pour elle, mais ça n'a pas l'air d'être un endroit de rendez-vous, quoi. Est-ce que dans les environs, il y aurait, je ne sais pas, genre... des instruments ou ne serait-ce que des déguisements peut-être posés là, style des toges de moine ou des trucs comme ça. Je sais pas, je regarde un peu dans les environs si je peux pas trouver. Non, franchement, c'est vraiment une plateforme qui est très petite. Tu vois qu'il y a pas grand. Enfin, tu vois, il y a pas. Tu peux pas vraiment bouger beaucoup sur cette plateforme. Là où tu es, après, c'est du vide. c'était vraiment sur un espèce de promontoire, quelque chose qui te permet de. Mais vu la hauteur où tu es, quand tu vois la forme du bâtiment de la cathédrale, c'est des pics qui sont. Il y en a énormément d'ailleurs. Hein, tu vois vraiment, là, tu te rends compte que c'est sur toute la longueur du bâtiment que tu vois ces pics, ces pointes, ces aiguilles qui dépassent. Et du coup, là où vous êtes, c'est vraiment juste une plateforme. Mais genre, ça doit faire 5 mètres quoi. 5 sur 5, c'est très petit. Et bon. Tu vois que derrière, il n'y a rien pour cacher ou vraiment. Quoi. C'est... Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de symbole occulte ou de trace d'occulte. Non. Tu ne voyais rien de tout ça là-bas. Nous n'apprendrons certainement rien ici. Et est-ce que ça me rappelle une peinture, peut-être, cet endroit? Une peinture? Tu sais que la cathédrale, enfin, le Duomo a été peinte par plein de gens, mais. Mais je veux dire, de ce point de vue-là, d'en haut. Non. Je demande au prêtre, est-ce qu'il fait rentrer d'autres personnes comme la diva? Est-ce que d'autres personnes ont tenté de venir ici? Pas récemment. Mais vous savez, Vio Conti. Non, je laisse pas rentrer ces gens de personnes. C'est des crapules. Des hommes, mais par exemple, un certain comte finalique. Non, je connais pas. Bah, je tente. je tente. je connais pas comte finalique. Il est une crapule. Non, je connais pas. Et les autres, ces gens que vous nommez là, monsieur, c'est des crapules. Ouais. Je laisse pas rentrer ce genre de personnes. Bon, on va redescendre pour... parce que ça reste dangereux ici. Pourquoi oui, vous voyez que d'ailleurs ça souffle un peu. Et moi, je questionne, hein. je continue la question sur Flavio Conti. Je vous demande pourquoi si ça serait une crapule, Flavio Conti. On m'a dit que t'es un. Bah, un industriel. Bah, c'est des gens qui sont là pour l'argent, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Ils se fichent totalement des gens, comprenez? Ils sont là pour du financier, de faire des sous. Regardez tous ces gens qui hurlent leur mécontentement, tous ces gens qui sont exploités par ces gens. Ça... Bah dis donc, vos sermons à l'église, ils doivent être bien marrants. Hein. Mais je suis là pour l'amour de son prochain. Pour véhiculer le fait de tendre la main vers les gens qui ont besoin. Et ces gens que vous nommez font... qui attaquent d'autres personnes. Mes chemises noires sont des vauriens. C'est le mal. Vous comprenez? Et moi, de ma position, je suis prêtre. C'est un prêtre. je oui, ne peux rien. Ça m'en va dessus aussi. Mais vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pignon sur rue et ils ont la police avec eux. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre de ça. Maintenant, vous comprenez que de mon côté, dans des cercles restreints, eh bien, j'essaie de véhiculer un peu ma véritable pensée. Bon, on va peut-être partir. Bon, soit. Eh bien, redescendons. Vous redescendez, vous retombez du coup sur ces gens. Tu sais, dans les caisses pour faire des dons à l'église, je mets une livre. Ah, pareil. Je t'imite. Bah, vous voyez qui remercie, il sait pas ce que vous mettez vraiment, mais merci. Oh, je veux pas lui montrer, regarde, je te donne de l'argent pour ce que tu nous as dit. Au bruit, il fait « Ah, une livre, bien, merci. » Une livre, tu sais. Pardon, oh, putain, j'ai tapé dans mon micro, désolé. Bah écoutez, moi je propose qu'on retourne à la Scala et dénicher ce diable, ou de comprendre peut-être... Oui. Certaines méfiances du prêtre envers les gens qui travaillent là-bas, quoi. Moi, je ne sens pas trop traîner trop souvent dans la Scala, toi. Ouais, moi, je peux bien vous suivre. Mais après, Emilio, si tu avais d'autres idées par rapport aux appels. Non, bah. J'ai juste deux noms qui pourraient avoir des cette voiture-là, mais voilà. On peut aussi rendre au concessionnaire parce qu'ils ont peut-être eu une voiture volée, mais de l'usine. Tu vois. Je pense qu'elle aurait été marquée sur le papier. Je pense qu'elle aurait été marquée sur le papier. Je crois qu'on avait demandé justement s'il n'y avait pas eu de voiture volée. Alors ouais. Attends, il y a Catherine. Il y a personne qui a pas eu sa voiture et tout dans tes appels. Bah non, il n'y avait aucune personne qui avait une voiture volée. Il y en avait qui était au garage, mais pas de voiture. Ou d'autres qui n'avaient pas la bonne couleur, par exemple. Qui n'étaient même pas encore arrivés, hein, aussi. Ouais, eux aussi. Donc là, en fait, arrivé, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'il est encore au concessionnaire. Ce qui vous restait, c'était, du coup, le... Ah, oh, putain. Le syndicaliste qui bossait chez Alfa Romeo. Voilà. Je vais quand même faire un truc. Je vais aller retourner voir le prêtre. Oui. Juste pour lui demander s'il connaissait le vieux fou qui rigolait avec son caméléon et son bocal. S'il avait déjà vu, si c'est un habitué. Ok, il te dit quel vieux fou? Je n'ai vu personne. Le monsieur qui a rigolé d'un éclat de rire sorti de nulle part. Je sais pas si vous avez un peu de souvenance. Ah, je. En effet, j'ai cru entendre quelqu'un rire, mais je n'ai pas fait attention. Je suis désolé. Ok. Merci beaucoup. Mais de rien. Après, ce qu'on peut faire, sinon, c'est aller voir au magasin. Enfin. Au magasin d'art. Je sais pas si on appelle ça comme ça, de Serge Marchini. Marchini. Voir si on peut trouver des peintures aussi ésotériques qu'on a vues au Louvre, peut-être. Bon, c'était une collection de Marie-Antoinette, tu vois. Oui, mais il fait défaut, enfin. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit après tout. Après, s'il fait des faux, c'est qu'il doit connaître les vrais. Et pas le genre de mec très intelligent, donc ce genre de tableau, il peut le reproduire. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui vient nous questionner durant notre sommeil. Si, c'est Marie-Antoinette. C'est Marie-Antoinette. Non, mais autant aller à la Scala et essayer de trouver ce diable. Je sais pas en fait. J'ai envie d'y aller, mais j'ai aussi envie d'aller voir à l'usine. Parce que le meurtre de Ennio me semble lié à cette histoire. Ça me fait un peu trop gros qu'il soit tué et qu'on avait vu une Alfa Romeo, etc. On nous a aussi parlé de l'assistante de la diva qui avait pris les quartiers. Pas loin. Je me rappelle pas de la. Mais elle a donné de l'information très importante. Ah, j'ai pas compris. C'est pas très intéressant. Ah. On retourne à la Scala, du coup. Oui, on retourne à la Scala. Je sais pas. Ah, Catherine, t'en penses quoi? Alors, il y a la Scala, il y a l'usine Alfa Romeo. On peut faire un test d'idée, sinon, MJ. Eh ben, allez-y, faites un test d'idée, si vous voulez. Bon, alors, cette fois-ci, je vais le cocher. Alors, Idy, je pense pas que tu puisses le cocher. Non, on peut pas le cocher. Hey, Catherine. Bon, c'est un test d'idée, c'est normal. Genre, t'as quand même une chance sur deux, ça. Alors, alors du coup, c'est Catherine, Emilio et tout le monde sauf Nelson. Oui, bah, du coup, pas tout le monde. On coche tous la case, ouais, pas du tout. Ben non, il n'y a pas de case, c'est ça qui est dommage. Ouais, oui. Vous, tous les trois, en fait, vous consultez un petit peu. Vous voyez que Nelson, en fait, est encore en train il y a de. En fait, non, en fait, on va dire que Nelson, c'était le moment je où. Suis perturbé par Caméléon. Non, en fait, on va dire que c'est arrivé au moment où Nelson était parti voir le prêtre. Donc, en fait, il n'était pas là. Et pendant ce temps-là, vous avez un petit peu discuté et vous êtes dit que ce serait pas mal de quand même s'intéresser à ce meurtre bizarre du syndicaliste. Notamment qu'on retrouve quand même des choses de Alfa Romeo. Il bossait pour Alfa Romeo. Il y a quelque chose de louche. Ce qu'a dit Orlando sur le fait que c'était. Enfin, ce qu'ont dit les journalistes, pour lui, c'était des conneries. Que clairement, il s'est passé autre chose. Et que, bah, pour l'instant, c'est la vraie seule pseudo-chose bizarre que vous pouvez vraiment exploiter pour le moment. Donc, voilà. Allons à la ruelle Via, c'est ça? Faut pas oublier que la police ne voulait pas qu'on tue cette affaire. Ouais, c'était inutile, hein. Mais tu m'étonnes, pour eux, ils voulaient pas trop. Ils voulaient pas qu'on mette notre nez dedans. Bah, disons qu'ils préfèrent nous occuper à autre chose, on va dire. C'est vraiment de nous occuper, hein. Du coup. Moi, j'ai noté la ruelle dans laquelle s'est passé le meurtre, et je pense qu'il serait bien d'y aller en premier avant d'aller voir l'usine. Mm-hmm. D'ailleurs, on n'est pas le week-end, donc l'usine est ouverte, j'imagine. Alors, le week-end, là... c'est ouvert. Hein. On est les années 20, dans les années 20, hein, t'oublies pas. Non, non, non. Bah, attends, t'es en Italie, c'est les feignasses, hein. Ils vont pas travailler le samedi et le dimanche. Bah là, en fait, vous voyez que... Alors, c'est pas... En fait, vous vous rendez compte que c'est pas forcément... Je vais faire taper. C'est pas l'usine, en soi, de... C'est pas l'usine Alfa Romeo, mais c'est un entrepôt qui est en fait qui appartient à une entreprise qui est un sous-traitant en gros de Alfa Romeo. En gros, c'est des pièces qui sont stockées pour Alfa Romeo, mais ok. Du coup, bah, vous allez donc à Portello, donc c'est l'endroit où ça s'est passé. Soit vous l'avez vu dans le journal, hein, donc et puis vous avez croisé quelques personnes. Emilio a pris sur lui pour essayer de leur demander où il pourrait trouver justement l'endroit. Et d'ailleurs, ils te font remarquer, Emilio, que bah, la police. Bah, ils ont pas vraiment enquêté là-dessus, quoi. Ça a été plutôt bâclé, en fait. Il te faut remarquer ça. Donc là, on est dans le quartier de Portello, c'est ça ? Voilà. Et ils te disent voilà, que contrairement à ce qui est mis en place pour chercher la diva, eh bien, cette affaire de meurtre d'un socialiste... On a retrouvé le corps du socialiste. Oui, oui, oui, il est à la police et ils ne veulent pas rendre pour l'instant le corps à la famille. C'est aussi pour ça que les syndicalistes gueulaient devant le commissariat pour dire qu'il fallait rendre le corps. D'accord. Je me demande si vraiment ils ont retrouvé le corps. C'est le truc. Bah, on va juste attendre un petit peu que notre ami revienne. Parce que là, j'ai sous les yeux la carte du guide du voyageur. Et je vois, il y a un truc sur Portello. Intéressant. Il y a un truc qui quoi ? Un truc à Portello qui serait intéressant. Ah. Une villa abandonnée. Je me dis, si c'est marqué sur le guide... Du coup, bah, vous arrivez... sur les lieux, et vous avez su que ce qu'il avait été retrouvé du coup à l'intérieur d'un des entrepôts, et vous voyez que l'entrepôt a l'air désert, enfin du moins l'entrepôt où ça s'est situé a l'air désert. Peut-être que la police a fait en sorte de verrouiller les lieux pour le temps de notre nez, du coup. Ok, bien, vous arrivez devant. Est-ce qu'on voit des chemises noires ? Quoi ? Est-ce qu'on voit des chemises noires dans le quartier ? Non, pas du tout. Bah, du coup, on profite pour fouiller dans les environs, quoi. Ok, attends. À flairer l'huile de moteur et... Peut-être demander aussi aux gens qui habitent à côté, quoi. Blanc crème. Attends, je lis un truc... Je pense qu'il y a... Du coup, bah, vous voyez que l'entrepôt est fermé. Fermé à clé. Mais vous voyez qu'il n'y a personne dans le secteur. C'est vide. Qu'est-ce que vous faites ? Emilio, tu peux essayer de casser la serrure ? Alors, comme à chaque fois que tu me demandes si je peux crocheter une serrure... Casser, j'ai pas dit crocheter. Non mais bien sûr, je sais, vous êtes pas assez compétent pour crocheter une serrure. C'est pour ça que je vous demande de Comme vous Je veux dire, j'ai besoin d'une barre à mine pour casser cette serrure. Ça peut se trouver, ça. On peut faire le tour de l'entrepôt sinon, voir s'il n'y a pas une fenêtre par laquelle on peut s'engouffrer. D'accord, bah vous faites le tour. Vous allez me faire un jet de toc, s'il vous plaît. Allez, on va renifler, les gars. Oh. What the... Oui. J'ai trouvé la clé. Sous paillasson. Ah ben, coche. Hein. Ah là, elle est bien cochée. Hein. Là, elle est toute rouge, la case. Merde. Vous voyez clairement que Peter, il est absolument pas dans son élément. À tel point que, à un moment donné, il regarde partout, sauf à ses pieds, et se prend les pieds sur un espèce de cagette qui traînait par là et se viande totalement par terre. Peter, on n'est pas dans un de vos films là. Reprenez-vous. À côté de ça, Nelson. Je crois que je me suis fait mal. Bon, tu as ton instinct d'ancien soldat qui est présent. Tu essayes de voir. Tu commences à voir quelque chose, mais très vite, tu es devancé par Emilio qui remarque en fait un peu plus loin. Une fenêtre en fait qui est là pour l'aération qui n'est pas verrouillée. Tu t'approches, tu fais un petit passe-passe avec ton doigt et paf, la porte, la fenêtre s'ouvre. Et au moment où tu soulèves la fenêtre, tu vois du coup l'entrepôt. Et ton regard tombe nez à nez avec une pancarte que, franchement, il fallait vraiment de la chance pour le voir parce que c'était vraiment tout petit dans un coin sombre et tout. Mais tu vois que sur cette pancarte, il s'agit de Conti Pièce Auto. La vieux Conti. Comme de par hasard. Les taux se resserrent. Vous rentrez tous à l'intérieur, j'imagine. J'aide Peter parce que j'espère qu'il retombe. Peter, en fait, tu as le nez qui saigne. Hein. Tu pisses du nez. Hein. Ah, je t'entends pas. Tu as perdu la voix. Tu as coupé ton micro, jeune homme. Ouais, je regarde mon bras gauche là. Je dois saigner un peu. Ça me gratte. Oula. Ah ouais, non, t'as totalement. Hein. D'ailleurs, tes plaques sont devenues bien, bien balèzes. Ça commence vraiment à devenir pas joli, quoi. T'es pas allé voir. Je vais pas, docteur, à un moment. Il y a un chien, il va finir amputé, moi je dis. Il y a. On peut même aller voir un veto si tu veux pas payer trop cher. Tu sais bien qu'avec moi l'argent, j'en ai. C'est pour ça que tu m'en avais demandé à une époque. Je t'ai jamais demandé de l'argent. Non, c'est vrai. Vous arrivez donc... L'argent, je demande à un membre de... Dans cet entrepôt, et vous voyez qu'il y a des caisses partout, entreposées. On a l'impression vraiment d'avoir un dédale, un labyrinthe. Vous avez quand même des odeurs de bois, donc des caisses. Pas forcément d'huile de moteur, parce que c'est vraiment un entrepôt, donc il y a des pièces qui sont entreposées dans le bois. Mais ça sent un peu la ferraille quand même. Vous, du coup, vous vous déplacez un petit peu, chacun de vous, je sais pas, est-ce que vous y allez tous ensemble ou vous baladez un peu chacun dans votre côté pour essayer de voir quelque chose? Peut-être deux par deux. Ou un par un. J'essaie de voir s'il n'y a pas des voitures. Alors ici, en fait, il n'y a aucune voiture puisque ce sont des pièces, uniquement des pièces qui sont entreposées dans des grosses boîtes, en fait, dans des grosses caisses et assez, assez volumineuses. D'ailleurs, vous ne pouvez pas voir au-delà des caisses parce que les caisses vous dépassent en taille quasiment. Moi, donc, je propose qu'on cherche chacun dans notre coin, quoi. Moi, je suis Peter, je talonne Peter, parce qu'il a l'air d'avoir... C'est pas du tout ce que j'aime bien. C'est pas, ok, okay, bah, vous allez du coup me refaire un jet de toc, chacun. Allez, je vais me croûter. Allez. Dans ça. Je peux cocher. Moi aussi. Je suivais Catherine, moi, vu que Nelson suivait Peter. Ouais, alors ça, fallait le dire avant. Ouais, là, tu te prends la cagette, toi aussi. Ça va. Non, ça. Ah, j'ai dit Peter, je voulais dire Emilio. Alors, d'accord. Voilà ce qui va se passer, mes amis. Non, Peter, il est gentil. Voilà ce qui va se passer. Attention. Non, non, il fallait pas regarder. Catherine et Peter, oh non. Vous... Pardon? ça commence mal. Ceux qui ont réussi sont dans une salle à part, ça commence mal. Catherine et Peter, vous avez finalement décidé de vous suivre un petit peu. Hein, vous avez fini par vous croiser au détour de caisse. Voilà, vous avez vaqué chacun de votre côté, et puis par au détour d'à droite gauche, vous finissez par vous retrouver. Et vous continuez tout droit, une espèce de d'allée naturelle vous emmène tous les deux vers un endroit. J'avais vraiment envie de dire tiens, on se retrouve. Et vous arrivez en fait à un moment donné où vous remarquez une tache sombre sur le sol un peu plus loin devant vous. Et très vite vous comprenez que cette tache sombre est du sang. Vous avancez vers la zone et là vous découvrez en fait une espèce d'autel de pierre assez volumineux et sur l'autel de pierre vous devinez en fait enfin, il y a du sang de chaque côté de l'autel, mais ces traces de sang, en fait, ont la forme d'un corps, comme ça, une forme un peu humaine. Ça dessine presque un corps humain. Donc vous comprenez assez vite que à cet endroit-là, ouais, se sont tenues deux personnes se sont tenues présentes ici et qu'elles ont perdu énormément de sang. Écoute, moi, je vais me mettre devant Catherine et je lui dis de faire attention. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un encore qui traîne. Et mais j'ai pas d'arme. Hein. C'est toi qui as une arme, moi j'en ai pas. Mais je me mets un peu comme ça. Je m'approche de l'hôtel, par contre, doucement. Et est-ce que je vois des runes dessus? Qu'est-ce que fais-tu toi, Catherine? Est-ce que tu regardes aussi ou tu laisses juste Peter regarder? Il m'a dit d'être prudente, alors je reste en arrière pour l'instant. Okay, avec un pas timide, je vais sur l'hôtel. Hein. Peter, tu vas me faire un jet de toc, s'il te plaît. Ah, les fameux, quoi. Eh ben, c'est bon. Quand tu te rapproches, tu commences à pencher un peu plus sur la pierre. Ça me gratte, là, le bras gauche. Et tu remarques sur celle-ci des petites taches de sang, mais vraiment toutes petites, hein. Et en y réfléchissant un petit peu, t'as l'impression que ça forme des traces de pattes, des petites pattes de comme si une petite bête avait marché là-dedans. C'est surprenant, en fait. Comme des petites traces de pas, mais de toutes petites empreintes, toutes minuscules. Genre, des empreintes de caméléon. Je vais voir où mènent ces empreintes. Bah, tu vois qu'elles marchent, qu'elles sont dans le sang en fait, et que à un moment donné, elles s'éloignent de l'hôtel, et que bah au bout d'un moment, les traces s'estompent avec le fait que voilà, mais tu vois qu'elles s'en vont dans un coin de la pièce et que au bout d'un moment, les traces disparaissent tout simplement parce qu'il n'y avait plus de sang pour. Catherine, vous avez bien dit que vous avez vu un caméléon avec Nelson. C'est exactement ça. Eh ben, je sais pas si vous reconnaissez la patte d'un caméléon. Eh bien, je regarde, est-ce que, effectivement, je valide que c'est totalement du caméléon. D'ailleurs, tu avais vu, hein, Catherine, que en fait, la particularité des caméléons, c'est qu'ils n'ont que deux... En fait, leur patte, c'est deux doigts, en fait. Ils peuvent presque pincer, d'ailleurs. Donc, c'est pas du 3 ou 4, c'est vraiment deux doigts. Donc, tu vois que au sol, ça fait... pour chaque patte, deux petites empreintes distinctes de doigts. Donc tu confirmes que ça colle totalement avec l'idée que ce soit le caméléon. Est-ce que vous faites ? Est-ce que vous prévenez vos amis ou vous restez comme ça ? Allons lui faire dire, je pense. Bah écoute, oui. Je regarde encore un dernier coup d'œil. Y a pas une arme traînant dans le sol, un bras, une jambe, un doigt. Non, là, tu vois vraiment que du sang. Ok. Attends, je vais venir les autres. Il est capitonné. Je te laisse les appeler. C'est pas ça. Bah, on court vers vous, hein. On court vers vous, Nelson et Emilio. On a trouvé quelque chose. Du sang, un hôtel, certainement là où il y a eu le coup de poignard, en fait. Quoi ? Mais c'est pas tout, j'ai trouvé un truc, des traces de pas. Mais trop petite pour être un insecte étrange ou un truc bizarre, quoi. Peut-être, justement, j'ai demandé à Catherine et c'est un caméléon. Vous avez bien vu un caméléon, vous, à l'église, Nelson ? Ah, mais tu me croyais pas ? Voilà. Bah, donc, je te crois, un caméléon. Effectivement, quand vous arrivez sur les lieux de ce qu'ils ont trouvé, vous voyez donc un hôtel de pierre qui dénote totalement avec l'entrepôt lui-même. Vous dites, mais comment ils ont fait pour amener ce machin-là et qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, ce machin et que sur cet hôtel, vous trouvez en fait deux mares de sang assez volumineuses, assez impressionnantes et... vous pouvez voir en fait la trace de chaque côté dans ces deux mares de sang de corps humain. Donc, c'est comme si l'empreinte d'un corps humain avait été d'une personne avait été faite dedans, puisque comme si en gros vous aviez pris un pochoir et que vous aviez mis du sang par dessus et qu'au moment où la personne s'en va, il reste plus que les bras et les jambes, le corps d'une personne. C'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Ah ben, c'est un peu littéralement ce que vous avez devant vous, en fait. Et je veux pas rapport avec le caméléon. Eh bien... Les traces de... Peter, donc, a vu sur l'autel des traces de sang, où tu vois effectivement des petites pattes qui marchent comme s'ils avaient marché dans le sang et en s'éloignant, avaient laissé des petites traces qui s'en va loin. Et tu te rappelles d'ailleurs que les caméléons, sur chaque patte, n'ont que deux doigts. Et tu retrouves d'ailleurs ces deux doigts sur chacune des traces. Ah ouais, ouais, ouais. Et elles mènent où, ces traces ? Bah, elles s'en vont à un moment donné dans un coin du truc. Et puis, tu vois que le sang s'estompe, puisque à force de marcher, bah, il n'y a plus assez de sang pour laisser des traces. Et ça disparaît. Voilà. Moi, je suis pas un gars qui bosse, qui se connaisse des masses en trucs d'insectes ou de lézards, plus le nom du métier. Entomologiste ou je sais pas quoi, non, c'est même pas, je sais plus. Mais on peut la pâter, hein, toujours, on peut la pâter pour l'attraper dans le piéger, quoi, c'est une cage. Alors, vous devinez que les traces qui ont été faites là sont plus vieilles que... date d'assez longtemps et que a priori quand vous avez vu le caméléon ça s'est passé bien après cette scène là quoi. Donc il y a de fortes chances que le caméléon soit plus là depuis longtemps. Ok. Ou c'est voilà. Une idée de merde. Non, c'est pas ça, mais c'est vrai que tu pourrais, mais là a priori le sang date puisque c'est a priori la scène, enfin l'endroit où a été retrouvé mort Spinola, et d'ailleurs, ce qui vous surprend, hein, c'est qu'il y a eu deux personnes, puisqu'il y a deux mares de sang et deux corps dedans. Donc, qui est la deuxième personne? Pas la diva quand même. J'espère pas. Le corps a l'air d'avoir des hanches plus larges. Vous allez me faire un jet de... médecine, j'ai un. Non, mais d'intelligence, je veux dire, voilà, l'idée, encore c'est, une fois. C'est pour voir si c'est une femme féminine ou pas, l'autre. Bon, bah, alors, pas du tout, je ne reconnais pas une personne femme. Personne ne voit. Allez, Nelson, si, c'est bon. Nelson. Nelson qui a eu l'habitude de la guerre et des traces de sang. Peut vous dire tout de suite que les deux personnes qui étaient présentes ici sont des hommes. Bah apparemment, voilà, c'est du sang de d'homme, de mâle. Attendez, pour Flavio Conti, je crois que j'ai pas reçu. Ouais, c'était pas son, dans le coup c'était pas lui directement que j'ai eu au téléphone. C'était un de ses agents, enfin un de ses assistants. Que ça pourrait être lui. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi, l'assistant? Bah, il m'a pas dit exactement où était son maître, mais voilà, mais je dis qu'il était pas là. Ah voilà, il a dit qu'il était pas là. Mais il m'a pas dit qu'il avait disparu, donc. C'est peut-être lui la deuxième personne, hein. Oui. Ça voudrait dire quoi que. La première, ce serait Pinola. Pinola. D'ailleurs, au moment où vous prononcez, enfin, vous parlez de ce Conti, vous rappelez d'ailleurs que dans les documents que vous aviez eu dans l'appartement, il y avait un journal qui était présent. Et que il y avait un article qui mentionnait Flavio Conti. Ouais. Et d'ailleurs, cet article vous disait que un retour attendu. Flavio Conti était très attendu hier à la soirée réservée aux mécènes et bienfaiteurs de la Scala. Monsieur Conti avait été malade récemment et certains rapports erronés le prétendaient atteint de la tuberculose. Bien que sa maladie soit très certainement moins grave, Monsieur Conti était en pleine santé et au centre de toutes les attentions. Les autres mécènes présents étaient Monsieur Nuzio Tocchi, Monsieur et Madame Matteo Sorrenti, Mademoiselle Angela Susco et Monsieur Arturo Faccia. Et Madame Serena Spagnolo. Le groupe a pu entendre une sélection de morceaux de l'opéra Aida, chantés par les chanteurs officiels du spectacle, Rosario Scorbello, les accompagnés au piano. La soirée a été enchanteresse. Donc ça, c'était hier soir. Donc, il aurait dû être malade, mais là, il était en pleine forme. Oui, a priori. On le pensait atteint de la tuberculose, mais pour un tuberculeux, il était plutôt en forme. Mais c'est bizarre, parce que la tuberculose, c'est une maladie que normalement... une maladie de marin, si je dis pas de bêtises. Non, ça c'est scorbut. Non, la tuberculose, c'est une maladie que tout le monde peut avoir. Hein. D'accord, ok, oui. C'est les poumons. Tu tousses beaucoup, quoi, et tu c'est les poumons. Sens. Ouais. Oui, ouais, oui, d'accord, ok. Voilà. Ok. Donc, ouais. Oh, il a eu le scorbut. Non, mais je suis voilà. Donc, vous retrouvez comme ça, là, maintenant, devant un hôtel ensanglanté. Des traces de caméléon. Et un Flavio Conti qui était malade, mais qui n'est pas malade. Et dans l'entrepôt de Flavio Conti. L'hôtel il est adressé à une divinité occulte, Ah non, c'est juste Christ. un hôtel de pierre classique. Il y a aucun truc gravure ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la pierre J'ai pas posée un là. cierge, j'ai pas une écriture et rien. Non. Est-ce qu'il y a de la poussière sur les caisses en fait d'armes d'armes de... Quoi? Mais ça... de... Ouais, vous Ah, voyez que excusez-moi, hein. oui, tu remarques effectivement que les caisses sont assez poussiéreuses. Ouais, donc c'est un endroit en fait, c'est un endroit abandonné. Enfin, il a désaffecté ou plus utilisé ou bah, bref. Qu'on l'utilise pour l'a utilisé pour faire un rituel satanique ou je ne sais quoi et se guérir, je sais pas, un truc dans le genre. Hein. Peut-être. Puis c'est lui qui a les moyens de s'offrir un caméléon. Hein. Est-ce que c'est vraiment hors de prix un caméléon? Oh, quand même. Ça que se faites-vous? reproduit facilement. Écoute, moi je suis pour la vie déjà de partir d'ici. C'est pas, j'ai pas envie de rester ici. Hein. On va dire qu'il est, il est déjà 13 heures bien passées. Ah ouais. Bah et oui. Allons rendre une visite à ce monsieur Conti, comme on dirait. Ouais, voilà. Et bien, on va manger. On va manger dans un petit bistrot. Et enfin, bien... Sauf si Catherine désirait quelque chose avec un plus haut standard. Oh, non, je n'ai pas le cœur à ça avec tout ce qu'on a. Tu vois du sang. Oh, j'ai une faim de loup. J'ai envie de boudin. Un meilleur restaurant de Milan. Un super troquet qui fait un carpaccio à ton. Si on allait au McDrive. Oh non. Il y a trop de du coup, bah, sous les conseils d'Emilio, il vous emmène dans un petit coin dont il a déjà profité des mets succulents. Et vous mangez un repas tout à fait goûtu et très bon. Dans un endroit, c'est pittoresque, mais bon, soit vous n'êtes pas là pour passer du bon temps, vous êtes là pour résoudre une affaire importante. Donc vous mangez de façon à vous restaurer, et ensuite, vous avez le restaurateur, sur la demande d'Emilio, qui vous file un annuaire de Milan, et effectivement, vous trouvez l'adresse de Flavio Conti. À l'intérieur. Je vous rappelle aussi d'une chose, c'est que les artefacts de Sedevkar demandent des sacrifices assez régulièrement. En tout cas, c'était le cas pour la tête. Oh, non. Et ça va être peut-être le cas pour moi bientôt. En tout cas, mais voilà, vous trouvez son adresse via Torino. Via Torino, d'accord. Ouais. Oh, il est bien. Le Torino, il a une belle bâtisse. Hein. Et c'est à côté de la Scala. Ah bah, tant qu'à faire, c'est un richissime, ouais, une richissime personne. Donc... Est-ce qu'on était au Café Cova? Bon, vous avez pu, hein. Vous pouvez tout à fait y aller. Hein. Je floutais là. Hop. Non, mais... est-ce que on passe... Avant d'aller voir monsieur Flavio, monsieur Conti, on va voir tout d'abord un médecin pour toi, Peter, parce que s'il arrive s'il reconnaît ses rougeurs, cette après, au pire, vous pouvez passer devant une pharmacie en allant via Torino et tu peux tout à fait acheter un baume. Un espèce de baume pour apaiser la peau. Les démangeaisons. Voilà. Tu trouves tout à fait ça. C'est très rapide. Le pharmacien te donne ça, une crème. Pas de problème. Un garrot et un hachoir. Vous arrivez du coup dans cette Via Torino. Et vous voyez du coup qu'il y a une espèce de bâtiment avec un appartement qui est à l'étage. Et en bas de cet étage, il y a un garage. Qu'est-ce que vous faites? On voit les voitures qui sont dans le garage? Le garage est fermé. D'accord. Vous voyez qu'il y a Tu un frappes petit à peu la de porte et tu passage. demandes, c'est pour le caméléon. Vous voyez, les rues sont assez clairsemées encore une fois, toujours avec des gens qui regardent leurs chaussures et qui marchent tête basse, sans énergie. Des gens qui pleurent, des gens qui s'engueulent. Alors, Hop là. est-ce que je me fais passer pour votre interprète et Oh. On présente l'un de vous comme une personne, une sommité ou je ne sais quoi. On voudrait juste lui parler de sa voiture ou un truc comme ça. Hein. On va pas aller plus loin. Au contraire. Ou Catherine pour une peut-être pour une publicité aurait besoin d'une voiture spécifique Blanc. pour Ouais, totalement. Ça marche bien comme excuse, je suis quand même certain prestige. Voilà, je me fais passer pour votre interprète. Et vous et Oui. Peter pourrait être votre assistant et Nelson votre agent. Pourquoi pas à l'inverse? Nelson est plus âgé que toi et il a l'air quand même d'avoir plus de boutique que toi. Ça se tient. Donc du coup, C'est vrai. qui s'y colle? Qui commence à vouloir y aller? Je vais frapper parce que c'est moi qui vais être l'interprète Ouais. pour tout le monde. Donc dès que quelqu'un C'est parle, ça. je traduirai. Et justement, je vais beaucoup m'effacer. Parce que je suis qu'un simple intérêt. Ok, donc tu sonnes à la porte, tu vois, je vois trouble, tu vois, Voilà. pardon? Non, tu vois trouble, Non, ouais. c'est moi, je suis trouble à l'écran. Ah. tu es bourré, Envie de non? dire ça y est, D'un coup, tu essayer ne de sais pas ce refaire un qui se passe, tu AVC. deviens bourré d'un coup. Ah. J'arrête la vodka. Quelqu'un vient Quel tout. gentil. Quelqu'un vient t'ouvrir. A priori, c'est un homme bien habillé. Et tu devines assez vite que ça doit être un majordome avec une petite barbe bien taillée, un costume propre sur soi, un certain standing, mais. Tu devines comme ça à l'allure que ça doit pas être le maître des lieux. Si. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Nelson Bellisbourg, agent de mademoiselle Catherine Anderson. Elle désirait parler avec le maître des lieux, s'il vous plaît. Catherine Humberstone. Catherine, tu vas faire un jet de crédit, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai une chance sur deux, souris là. Ouais, tu coches. Non! C'est vrai ça? Désolé, Comme mais qui est Catherine Humberstone? Je ne connais pas. une modiste. Non. Et quand il dit ça, je fais la gueule, hein, genre, je lève le manteau. Excusez-moi, mais je ne connais pas une modiste. Elle est Une maudite? modiste. Non, elle crée la mode. Ah, créatrice, d'accord. Et elle veut voir Ok. Je vous prie de nous recevoir au moins à l'intérieur, non pas sur le pas de la porte, comme de vulgaires malpropres. Nous approuvons Ouais, les maîtres écoute. des lieux, s'il vous plaît. Je vais voir si il est. S'il vient vous. Vous recevoir. Tu vois que il referme un peu la porte, mais tu entends pas le petit clic pour dire qu'il a refermé totalement la porte. Genre, il a fermé la porte comme ça, mais tu entends pas le comme s'il avait tourné un court de clé. Et il s'en va. On fait quoi? On l'attend ou alors Bah après, je sais pas, je vous dis ça. Lui, il est parti pour voir son patron. Je pense que ça a pas trop convaincu, mais autant attendre un petit peu, on verra. Au moins, il a pas refermé la clé. Il va pas claquer la porte au nez. Ça annonce que fermé la porte au nez, il a dit je reviens. Ouais, okay. Surtout, il a pas fermé la clé, donc ça veut dire. Il compte revenir de toute façon. Effectivement, 5 minutes plus tard, vous voyez qu'il redescend. Il ouvre la porte, il fait. Ok. Il va vous recevoir. Veuillez bien entrer. Et vous, vous êtes là, Peter et Emilio? Vous êtes avec eux? Bah, je suis l'interprète, moi. D'accord. Et toi, Peter, tu es? Ouais, je suis là. Non, mais genre, c'est qui? Écoute, il avait dit que... Moi, je suis l'assistant de Madame Lambert. D'accord. Je vois que vous avez du monde qui travaille avec vous. Madame Lamberton. Elle daigne pas me répondre. Moi je vais lui répondre tu vois, en italien oui, en lui disant oui madame Lamberton est pointilleuse, une sommité qui est surtout connue dans le monde anglo-saxon et la mode française en réalité s'exporter à Milan et en Italie ça serait pour elle une consécration et elle est encore peu node de savoir que elle n'est pas reconnue dans la capitale de la... Oh, une fois que le gars dit oh, « Excusez-moi, je ne suis pas très au fait de la mode. Veuillez m'excuser auprès de Madame Lamberton. Je ne voulais pas l'offenser. » Donc, vous commencez à passer dans l'intérieur et vous allez me faire un jet de toc rapidement, s'il vous plaît. Et très rapidement, genre tout de suite. Quoi, là. Jet de toc. Bam, bam, bam. Bim, bam, bam. Et Catherine, bam, succès extrême, bim. Oh putain, attends, mais Peter, Catherine, ils ont chaud de patate. Tout le monde a réussi là. C'est le succès de la mort. Ah, ok. Mais tu vois, elle a pas fait le meilleur jet parce que Peter lui vole la vedette. Mais non, mais Peter, je vous en prie. Donc vous avancez comme ça et au détour de... d'un couloir, vous avez vu en fait sur un autre couloir et une porte est ouverte. Cette porte, Peter, tu es premier. En fait, tu étais le premier de. Tu étais devant Madame Lamberton. Madame était juste derrière et ensuite suivait Nelson et enfin Emilio. Quand tu arrives à ce couloir, tu tournes la tête. Et tu remarques une Alfa Romeo RL crème. Tout de suite, Catherine, tu arrives, tu regardes de même, et toi aussi, tu remarques le véhicule. Et bien sûr, Emilio et Nelson, vous finissez par le voir juste un peu après. Je fais même pas attention parce qu'en fait, je parle moi au gars. Bah, moi, je pense que là, dans la scène, là, on se regarde dans les yeux, on s'est tous compris. Bah, après, on le savait de toute façon qu'il avait ce modèle. Ah, j'entends pas du tout Peter. Peter, il se mute parfois, tu sais pas pourquoi. Mais parce que j'ai la chaise qui grince. La chiasse qui grince? La chaise. Exactement. Mais là, du coup, je t'entends sur Guide Femme, là, par contre. Ah. Ah bon, pas moi. Ouais, moi, je l'entends pas sur Guide Femme. Voilà, et là, tu m'entends. Donc, je t'entends, je ne sais. Non, là, je t'entends pas sur Guide Femme. Voilà. C'est moi qui n'avais pas coupé le micro. Alors, non, je disais. Oui. J'ai dit que. La voiture, oui, bah, c'est celle qu'on cherchait, quoi. Je crois que j'étais en train de dire ça, un truc comme ça. Ok, voilà. Donc je vais faire un dernier truc et on s'arrêtera là-dessus. Attention, Xen, Oxide, tu vas aller là. Kassar, tu vas aller là. Tous les deux, quand vous avez tourné la tête et que vous avez vu cette voiture, quelque chose vous a sauté aux yeux. Trace de sang. Vous avez vu le véhicule, certes, crème encore plus. Mais vous avez noté que sur une des poignées de porte de ce véhicule, il y avait une trace de main ensanglantée. Et je rends le stream là-dessus. Enfin, je mets l'outro là-dessus.